Jérém. C'est le premier que t'as dit. Le journal de Bridget Jones. Oui. Oui, point pour Jérém. Oh non. Alors, troisième question. Je suis pas bien. Quatrième, pardon. Quelles sont les techniques pour rallonger les cils? Jérém. Frisco. Vas-y, Frisco. Soit t'en mets des faux. Ouais, mais ça porte un nom. Mais l'extension de cils, voilà. Tu mets des fossiles. Il n'y a pas de. Tu peux aussi aller chez l'esthéticienne. Il y a deux tendances maintenant qui sont. L'eyeliner. Non. Oui, il y a les fossiles. Bon, allez, je t'accorde le point. Oui, merci, on m'accorde le point. Je peux le point. Mais non. Mais dès que c'est des fossiles, t'expliques. Mais oui, il y a des fossiles. Le rehausseur et tout ça, c'est. Mais tu as aussi la technique du volume russe ou du cil à cil. Donc on t'implante des cils. On sait ça à nous. Parce que là, moi, je commence à être tendu. Alors, question. On est à combien là? 2-1-1. Donc en gros, c'est entre moi et Marco. Toi, t'as gagné. Qu'est-ce qu'un beauty blender? Marco! Ouais. Un beauty blender, c'est comme un petit truc, quoi, une petite sacoche, quoi, où tu mets tout ton maquillage dedans, quoi. Non, pas du tout. Un beauty blender. J'en sais strictement rien. Ah, Marco, je sais. Ouais. C'est un truc pour faire des jus, mais spécial pour se maquiller. T'es con. Pas du tout. Un blender, c'est ça, non? Non, dernière proposition, allez. Je sais pas. Pas du tout. Ouais. C'est le petit bout de mousse qu'on utilise pour étaler le fond de teint. Ah, voilà. Oh, bon, je le sens mal. Je vous donne quand même une chance. La dernière. Citez au moins 3 marques de maquillage. Marco, non. Bah, chacun à son tour. Non. Pierre Babi Ciseaux. Non. Avec Aurélien, on va se concerter pour qui? Je t'en en premier quand même. Non, c'était moi qui étais en premier. C'est un peu compliqué. Hein. Allez. Mais Frisco, je recommence. Attends, sur Facebook, vous êtes quand même nombreux à vouloir voir Marco sans poil, donc je dirais. Allez, vas-y, Frisco, donne les 3 marques. Mac. Ouais. L'Oréal. Ouais. Et j'en ai pas de troisième. J'en ai pas. Mac, L'Oréal et Kiko. Oui. Frisco reste épilé. Mais attends, on peut poser encore quelques questions. Moi, j'en ai. Frisco. Tiffany, je t'en prie, viens te donner ce plaisir. Et je retirerai mes bas et tout. Venez voir ça en live Facebook. Frisco va se faire épiler. Par contre, il faut bien mettre ta jambe sur la table. Les fifous du 6-9 sur Énergie, retire tes bas. Oui, c'est très féminin ça. On fait ça en live sur Facebook. Vous allez pouvoir voir donc Frisco qui va se faire épiler par Tiffany en direct. Oh purée. Abaisse ton micro, je vais entendre ta souffrance. Ouais, 2 secondes. Préfère dans l'émission. Et je te jure, t'intéresses vraiment à faire attention, meuf. Mais je prends. Il y a une coucouillette à côté de moi. Frisco, hein. Il y a une coucouillette qui dépasse de ta jupe. Non. C'est pas vrai. C'est magique. Allez. Venez voir ça, les fifous du 6-9 sur Énergie, sur Facebook. Tiffany. Il est pas bien là. Non, mais non. Eh, tu fais qu'une seule des deux. Hein. Non, tu fais qu'une seule des deux. Mets-toi bien de profil. Tiffany, mets-toi bien de profil. Tiffany, fais attention à ce que tu fais. Les deux. Non. Allez, vas-y, go. On y va. On est en retard. Et puis toi. C'est collé. Non. Meuf. Mais tu seras toute belle après. C'est chaud. Mais oui. Mais non. Allez, attention, Tiffany, fais le décompte. 3, 2, 1, montre un peu. C'est un Yeti. Heureusement qu'on est en hiver, mec. T'imagines, on chante avec ça. Allez voir sur Facebook, on est à la boue. On y va. Les fufous du 6-9 sur Énergie. Allez voir ça, le live Facebook, les copains. Magique, je vous jure, le meilleur moment de ma vie. C'est vrai que je te jure, je suis doux. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. We are searchlights, we can see you.

Construire ou rénover par tous les temps. Vous cherchez une habitation durable et abordable dans un quartier agréable ? Venez découvrir les quartiers Matexi de Wallonie et Bruxelles sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. Il est 6h02 sur Énergie, bienvenue. Énergie. Vendredi 12 octobre, 6h03 sur Énergie. Bonjour. Bonjour. C'est vendredi. On va terminer la semaine en beauté. Fifou, on est là comme chaque matin avec vous. 6h-9h sur Énergie. On réveille toute la Belgique. On vous met de bonne humeur. Avec toute l'équipe qui est là, il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Fais ta petite danse de 6h. Ouais. Mais c'est radio, hein, c'est pas télé. Pas grave, c'est pour notre plaisir personnel. Frisco est là ce matin. Bonjour tout le monde, bonjour mon Marco. Et petite danse. Et il dansait avec les seins, lui. La danse du sein. Y'a que c'est qui bouge, mais. Jérém est là ce matin aussi. Bonjour Marco. Bonjour Marco. Lui, c'est le chant de 6h. Oh, dis donc, mais quel aigu. Le mec s'est pris pour arrêter à Franklin. Et il y a Aurélie Narenec qui est avec toi aussi. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est vendredi. On va terminer cette semaine en beauté comme il se doit. On va jouer à l'enchère dans un instant. Il y a le mot gagnant qui arrive aujourd'hui, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit le débrief de PE. Oui. Dit plein de bonnes choses. Et un petit point sur la météo, puisque ça annonce un week-end, les gars, de folie. Je vous le dis, j'ai vu pour demain, on annonce du 36 degrés. Ah, je m'enflamme un peu, mais. T'as peut-être mal vu quand même. Hein. Ça donne quoi? J'ai de la bonne nouvelle quand même, entre 20 et. 26, 27. 25-26 degrés. Aujourd'hui. Ouais. Allez. Et demain 25 degrés. Ouais. Ouais. Oh, j'ai une pêche les gars. Ah ça, mais vraiment ça donne le sourire ça tout de suite. Hein. Et c'est vrai que demain j'ai vu plein soleil, vous allez pouvoir profiter ça du va être samedi. Trop bien. Ah oh, ça va être génial. Et on dimanche on fera notre deuil. Ouais. Voilà. Voilà dimanche voilà. Non, 22, autour de 22. Ah, ça va. Oh, mais ça il va. Pleut, donc retour à la réalité voilà. Dimanche. Dans un instant, on joue entre nous, c'est l'enchère. Vous allez voir, c'est très sympa ce jeu. Ce jeu. Ce jeu. Ce jeu. This is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is. 7 sur Énergie, Jack Jones. Jack Jones a suivi côté X matin sur Énergie. Bon réveil avec nous, le 6-9 est là, bien évidemment, pour vous sortir du lit comme il se doit, dans la manière la plus douce et la plus tranquille. Mais lève-toi quand même assez vite, parce qu'on peut vite devenir brutal aussi. Hein, la méthode dure. 6h07 sur Énergie, on joue ensemble à l'enchère. L'enchère, c'est quoi? C'est très simple. Je vais vous demander de me donner... en duo en fait, hein, vous jouez en compétition. Ok. Et vous devez en fait tout simplement surenchérir l'un sur l'autre. Comment? Et ben avec des familles en fait. Je sais pas, moi par exemple, je vais vous demander des marques de télévision. Combien de marques de télévision tu sais me donner? Ah oui. Et il y en a un qui va dire, bah moi je sais pas, moi 5. Ok. L'autre qui va dire 6. Ok. 7, 8. À un moment donné, il y en a un qui va dire, ok. On enchaîne tout de suite et on enchaîne. Je te laisse y aller. Vous avez 20 secondes pour donner toutes les marques de télévision et donc de remplir le chiffre que vous donnez. Hein. Évidemment, si vous dites 12, il faut en faire 12. Hein. Ah ouais, sinon, okay. Le point va pour l'autre. Ok. Tiffany. Ouais. Jérém. Ouais. Vous jouez ensemble. Pour? Bah pour l'enchère. Pour l'enchère. Non, mais ça j'ai compris, vous voyez, faut pas prendre pour un abruti, non, genre pour quelle famille? Et nous allons jouer avec les marques de moto. Combien de marques de moto vous pouvez me citer ce matin? Ça, Tiffany. C'est dans mes cordes. 3. Non, super. Elles sont belles tes cordes. Ah, des petites cordes. Allez, hein. 4. Allez, vas-y. Oh, regarde, la meuf, elle ose pas. Ah non, tu me laisses là déjà à 4. Oh, t'es petite. 4 marques de voiture. À mon avis, elle s'est pas donné plus, tu sais. Non, mais elle faisait genre... De moto, t'as dit. Ouais. De moto, oui, pardon. Okay. En 20 secondes, 4 marques de moto, Jérém, okay. C'est parti. Alors, je laisse quelques secondes passer, parce que comme ça, il y a un peu de suspense, on verra si j'arrive à 20 secondes. Il fait de malin, en plus. Yamaha, Suzuki, KTM, BMW. Bah oui, voilà. Bah oui, allez, bim, voilà. Ouais, en fait, c'était simple. Moi, j'avais que Yamaha et Harley Davidson. Mon Harley Davidson. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait donc un point pour Jérém. Et ben du coup, Jérém, tu vas t'affronter avec Frisco. Okay. Ouais. Et vous allez me donner le maximum de sortes de poissons que vous connaissez. Oh, putain. J'aime pas le poisson. Petit lutin, on dit. Ah oui, pardon. Allez, hop, non. 5 euros. Tu croyais qu'on allait pas longtemps, non? J'ai dit tout bas pourtant. Je te dis 6. Vas-y. Ouais. Attends, okay, 6. D'accord, il a dit vas-y, hein. Ouais. Vraiment. Vas-y. Bah ouais. Eh bah ok, c'est parti. Cabillaud, saumon, loup, requin. Des poissons? Non. Bah si, c'est un poisson. Requin, c'est un poisson. Ah, bah alors. C'est un gros poisson. Des moules, c'est un petit non. Poisson. Oh, non, c'est un crustacé. Un hippocampe. Un hippocampe, non. Ça. Non, si, c'est un petit poisson. Non, c'est un poisson. Mais c'est un poisson, l'hippocampe. Tu fais comme ça avec les joueurs. Allez, au revoir. Mais non, mais. plante, il fait comme ça avec ses nageoires. Il c'est a un pas petit dit, poisson. Il a pas dit créature de la mer, hein. Il a dit poisson. Mais poisson, c'est un poisson. Bah, c'est bah oui, justement. Hippocampe, c'est pas un poisson. L'hippocampe, pour moi, c'est un poisson. Ça fuit dans la mer, ça fait blanc. Les gars, c'est un poisson. On va pas se battre. Google. Et notre ami, je vous dis qu'un hippocampe, c'est pas un poisson. C'est ni un, moule non plus. Non, une moule, c'est un crustacé, ça, c'est sûr. Et l'hippocampe, c'est un. Un animal. Un animal crampier. Sont un genre de poisson à nageoire. Tiens. Le mec est bénard. Ok, mais ça fait toujours pas 6. Vous m'avez déconcentré. Allez, on lui donne une deuxième chance. Allez, une deuxième chance. 6. Eh ben non, ça sera Gérard Le Grand gagné. Bon, il a gagné, ça va. Je suis fair play. Voici, où tu parles. Voici Jack John, 6h10. Dans un instant, je vous explique comment gagner vos derniers 2000 euros de vacances. I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. Are you there? With another, if you make it out alive. Instant, c'est Clara Luciani qui va arriver sur Énergie. Et là, j'ai 2000 euros de vacances pour vous. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. Alors, par contre, c'est les derniers. Après, on n'a plus rien. Vous nous avez dépouillé cette semaine. Ouais. T'imagines que 2000 fois 5, ah bah 10 000 euros de vacances, on aurait offert. 10 000 euros de semaine. Vacances. On a offert, pas on aurait. Bah, 8 000 pour l'instant. On n'a pas encore offert les deux derniers. On sera à 10 000 à 9h. Et ça sera peut-être vous le dernier gagnant de ces 2000 euros de vacances. Vous partez à la plage ou à la montagne, vous pouvez choisir la destination. Pour ça, il suffit de vous inscrire, vous envoyez vacances par SMS au 6018. C'est 1 € le message envoyé et reçu. Vacances au 78, on vous appelle à 9h pour prendre un gagnant. Arrêtez de vous foutre de moi. Oui, j'ai changé le casque de côté puisque c'est écrit left, right. Donc ouais, faut bien que la left, elle soit dans l'oreille left. Sinon, bah, c'est bizarre. Voilà. Ouais, c'est parce que t'étais très... enfin voilà, t'étais bien. Merci. Non, c'était bien. Vacances au 78 pour vous inscrire. On prend le gagnant tout à l'heure à 9h. Et à vous les vacances en famille, entre amis, avec qui vous voulez. Et vous partez quand vous voulez, la destination de votre choix. On peut pas mieux faire, je vous le dis sincèrement. 2000 euros pour vous, vacances au 78. Bonne chance. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Macro, flash info.

6h20 sur Énergie. Dans un instant, Maroon 5 qui va arriver. Bon réveil avec nous ce matin. On va parler de ces villes improbables qui existent en Belgique et à l'étranger aussi, dans l'Union Européenne. Forcément, chez nous, on a aussi pas mal de petits noms de villages sympathiques quand même. Hein. Je vous le dis, avant de partir à l'étranger, on va déjà s'occuper de chez nous. On va faire un big up aux putois et aux putoises hein, qui nous écoutent ce matin. Voilà, habitants de pute en Belgique, évidemment. Arrête, non, ça existe ? Mais évidemment. Excellent. Ah, évidemment. Oui, c'est une petite ville flamande. Ouais. Petit village ouais, Bourgade, quoi. Ah, heureusement que c'est en Flandre. Ouais, et quand tu viens de là-bas, on dit que tu es un van de pute. c'est peut-être de là que ça vient. Il y a évidemment beaucoup de noms de famille, van de pute, hein, d'ailleurs. Ça vient de là, les copains. Mais d'accord. C'est quand tu habitais près de... Tu vois, ceux qui ont les De La Fontaine. C'est parce qu'ils habitaient pas loin d'une fontaine. Ah. Bon, là, ça veut pas forcément dire qu'ils habitaient pas loin de... Bon, d'un bar. De la rue, moi, je... Ouais, enfin, voilà. T'habitais dans la rue ? Non, mais peut-être mes antécédents. Enfin, pas loin. Pas loin d'une rue. Ah oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Je comprenais pas ton truc. Voilà. Si vous le cherchez, il est là, Nazareth, en Belgique. Il y a oui. Nazareth ? Jesus is back. Ben oui, mais c'est vrai, j'ai déjà vu ça. On m'a toujours dit quand j'étais petit, Jésus est né à Nazareth. Et un jour, je prends la voiture, je reviens du nord de la France et je vois Nazareth. Et je dis, mon Dieu, je savais pas que Jésus était belge. Jésus. T'as vu comme il a dit Jésus. Jésus est belge. Oui, parce que s'il était belge, on l'appellerait Jésus. Ouais, c'est vrai. On embrasse bien fort les couillétois et couillétoises, évidemment. Ah, ça, c'est chez moi, ça. Habitant de Couillet. Ouais. Très mignon cette ville, ouais. Mon cou. Ouais, on va chez nos voisins français. Alors, il y a des pépites là-bas. Hein. Mon cul, tout le monde connaît, la oui, classique. Oui, la classique. Et eh ben, il y a Bouc étourdi. Bouc étourdi. Bouc étourdi. Ouais, il y a deux verges aussi. Celui-là, j'adore. Il y a Arnaque la Poste. Mais non. T'habites où ? J'habite à Arnaque la Poste. Et alors, ça se passe bien ? Oh, on travaille tous à la Poste. Arnaque la Poste. Arnaque la Poste, c'est plutôt pas mal. Incroyable. On a Long Cochon. Excellent. Long Cochon. Long Cochon. C'est dur à dire. Ouais, c'est ça. Et comment t'appelles les gens de Long Cochon ? Ouais. Long Cochon, toi. Ou les Long Cochonous. Les Long Cochonous. Pas mal. Il y a Anus, bon voilà. Il y a La Trique, bon voilà. Mais moi je me demande vraiment comment on appelle ces habitants de Anus et La Trique, par exemple. Il paraît que les gens de La Trique sont très durs. Hein. Ouais. Pour négocier, c'est chaud. Il y a Fourqueux. Je ne connaissais pas. Ah là, il fait noir là-bas. Il y a la ville de Bourret. C'est pour moi, ça. C'est dans le nord de la France. C'est dans le nord de la France. Mais non, j'en sais rien. Il y a la ville La Baffe. J'adore. Il y a Trécon. Les habitants de Trécon, c'est magique. Oh là là, les pauvres. Il y a la Giza, en Haute-Savoie. C'est là où Daniel Bellavoine. Exactement. L'hymne de la ville. Il y a Bourg-Madame en Pyrénées-Orientales. Non, je te crois pas. Si, je t'assure. Il y a Bourg-Madame. Bourg-Madame. Mais Bourg avec un G. Oui. Oui. Oui, mais même quand tu le dis, tu le dis pas avec un G. T'imagines les gens qui t'habitent où ? À Bourg-Madame avec un G. Il y a mon téton. Il y a Bibiche, les gars. J'adore. Non. T'habites où ? J'habite à Bibiche. Je suis à Bibichois, moi, ok ? C'est magnifique. Et la conne aussi en France, magnifique. Et alors, je voudrais finir avec celle-ci. Et je vais laisser le soin à Tiffany de tenter de lire cette ville qui est en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande ? En Nouvelle-Zélande. Tu vois, c'est laquelle ou pas ? Tomatau Akatanjiangakouo Tamateaturipukakapipki Mongaoronukupokaiwenai. C'est une blague. Non, je te jure. Tomatau en Nouvelle-Zélande. À tous, ouais. J'adore le. Ouais, en Nouvelle-Zélande. Bienvenue à tous. Alors, c'est le genre de truc, t'habites où ? Ouais, ouais, c'est bon, on va se coucher. Je peux dire que le mec qui est pilote d'avion et qui dit bienvenue, on est bien arrivé à Touloulou. Ça doit être galère. Bah, tout le monde s'est déjà barré de l'avion quand il a fini d'annoncer la ville. Il fait 36 degrés. Hey, Monique, ils sont où les passagers ? Merci, Maroon 5, bienvenue. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 7h27 sur Energy. Jane qui va arriver dans un instant. Gagnant dans quelques minutes, on parlera de Google aussi qui va disparaître, Google Plus. Ah ouais, parce que Google elle va disparaître, tu m'as fait peur. Oui, non, ouais. Google Plus. Moi, je ne saurais pas vivre sans Google. Oui, c'est vrai. Et pour les étudiants, on serait mal. Ah oui, non, il n'y a plus Google, mon pote. On est mal. Par contre, Google Plus qui disparaît. J'ai envie de te dire, mais j'avais déjà pas vu qu'il avait apparu le truc, donc. C'est quoi Google Plus? C'est comme Facebook, mais voilà. Ah. Version Google. Version, ça a pas marché. Ouais, version, il y a personne qui s'est mis dessus. D'ailleurs, pour ça qu'ils vont fermer. On va en parler dans un instant et du coup, on va se demander aussi ce qu'on aimerait voir disparaître, fermé, quoi. Ce sera juste après le mot gagnant sur Energy. À tout de suite. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Dans un instant, le mot gagnant. Jane qui arrive côté IT, là à 6h30. Voici la météo. On aura quelques nuages, mais le temps restera généralement sec. On aura de belles périodes ensoleillées. Côté température, entre 20 degrés en Ardennes et 25 degrés partout ailleurs. 6h passé 30 minutes. Voici l'actu de ce vendredi 12 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Attendez-vous une grève dans les secteurs publics wallons la semaine prochaine. Le Front commun syndical a déposé un préavis pour le 19 octobre. Les syndicats dénoncent notamment la lenteur de la mise en œuvre des accords négociés. Des actions sont attendues dans les services publics, mais aussi au Forum ou à l'AVIC, par exemple. On reparle évidemment du scandale qui secoue le football belge en ce moment. Plusieurs personnes ont été placées sous mandat d'arrêt cette nuit. C'est le cas des agents Moji Bayat, Dejan Veljkovic et Karim Medjati, mais aussi du coach du FC Bruges, Ivan Leko. Ils sont inculpés de blanchiment d'argent. L'arbitre Bart Vertenten a aussi été placé sous mandat d'arrêt. Hier, il a été suspendu par l'Union Belge. Même sanction pour son confrère Sébastien Delferrière. Aux États-Unis, l'heure est à la reconstruction en Floride. L'ouragan Michael a fait pas mal de dégâts, surtout dans le nord-ouest de l'État. Au moins 5 personnes ont perdu la vie. L'ouragan a baissé en intensité à présent. Il a été rétrogradé en tempête tropicale. Enfin, en sport, en football, vous serez certainement nombreux à suivre les Diables Rouges. Ce soir, nos joueurs affrontent la Suisse à 20h45. Il s'agit d'un match de la 3e journée de la Ligue des Nations. On va en faire des petits Suisses, moi, je te le dis. Ah ouais, on va manger du petit Suisse ce soir. Tiens, les jours Fnac, c'est quoi? Ben, ce sont des journées avec des réductions allant jusqu'à 30% dans tous les rayons Fnac. 30%? 30%. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Moi, je préfère chiller et écouter le 6-9 sur Énergie. Eh ben, quoi? Le 6-9 sur Énergie. Ah ben, quoi? Ah ben, raison, mamie. Ah, il faut faire gaffe à ce qu'on dit quand même. Parce qu'on avait dit pareil, qu'on mangerait du camembert, et au final. Ouais, c'est vrai. Il faut faire attention à la Suisse, hein. ils sont bons. Ils sont très forts, hein. Shakiri et copains. Ouais, Shakiri, Shaki pleure. Et ouais. 6h33 sur Énergie, l'équipe est là, bonjour! Voici Jane, dans un instant c'est le mot gagnant, et après on va parler de ce que vous aimeriez voir disparaître. Nous dites pas la belle-mère, on le sait déjà. On en parle avec vous dans un instant sur Énergie. Toute l'équipe est là, il y a Tiffany, il y a Aurélie de la rédac, il y a Jérém. Bonjour. Et il y a Frisco. Bonjour. Et bonjour. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be avec nous sur Énergie. On espère que tout va bien pour vous ce matin. On finit la semaine ensemble. Et oui, c'est le week-end qui démarre. Hein, bah oui, c'est bien. Bah oui, ça, c'est bien. Ça. Ah, le vendredi, on l'aime bien. 6h36, dans un instant, Jennifer qui va arriver, le nouveau Jennifer. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et alors, elle a pas changé, hein. Elle s'est embellie d'année en année. Ouais. Elle est comme le vin, elle se bonifie, sans déconner. Ouais, ouais. Une bonne bouteille de pinard, Jennifer. Alors, vraiment, elle est très, très, très jolie. Moi, je suis très, très fan. Le problème, c'est qu'avec le vin, c'est quand on prend trop, elle te bourbe, elle aussi. Ouais, à mon avis, ouais, elle doit être un peu. Hein? De se la péter un peu, peut-être. Ouais, non, mais... Non, elle est super cool. Ouais. 6h37, on va jouer ensemble ce matin au mot gagnant. Et qui vient jouer avec nous au Mont Gagnant? C'est Yacine qui travaille comme technicien événementiel, donc ingénieur du son. Il a un fils de 7 ans qui s'appelle Maël. Il fait du vélo cross, du VTT et du vélo de descente. Sa passion, c'est la musique. Il est d'ailleurs DJ à 16h. Ah, à 16h seulement, Après, il doit être debout tôt quand même pour être DJ à 16h. DJ Yacine est avec nous ce matin. Bonjour. Salut. Bienvenue Yacine. Dans le 6-9. Tu mixes où? Je mixe un peu partout en fait, dans plusieurs teufs dans lesquels, enfin, que j'organise moi-même ou bien sur lesquels je suis invité. J'ai pas vraiment de club, c'est un peu partout. Ah, oh bah c'est cool, c'est ouais, génial ça. Et plus des boîtes de nuit ou plus des mariages et, et anniversaires? Non, c'est plus en mode boîte de nuit, festival, Tomorrowland, machin. Ah, cool. Carrément, Tomorrowland. Ouais, oula, hey. On a une star avec nous. Et c'est comment le nom de DJ? C'est DJ Yacine, non? Non, Salem. S-A-L-E-M. Mais non, c'est pas toi, tu plaisantes. Ah, tu connais? Ouais, bien sûr, genre tu me connais. Je voulais essayer, bon, ça a pas marché. J'adore Tiffany qui m'a regardé avec des gros yeux. Tu connais? DJ Salem, ma seule bienvenue en tout cas, mon pote, ce matin dans le 6-9 avec nous, Yacine. On va jouer au mot gagnant. Alors, le concept est simple. On va tenter de te faire gagner du cadeau. Tu vas jouer avec quelqu'un de l'équipe. Et en gros, il va falloir nous donner tout un tas de mots pendant 20 secondes qui démarrent par une lettre. Là, la personne de l'équipe fera la même chose. Un mot en commun avec toi, et c'est le mot gagnant, tout simplement. Tu choisis de jouer avec qui ce matin? Yacine, il y a Jérém, il y a Aurélie de la Reda, il y a Tiffany au standard, il y a Frisco. Eh ben, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit que j'allais peut-être pencher pour un mec. Cela ne nous regarde pas. Eh ben, du coup, ça va être Jérém, tiens, voilà. Allez, Jérém, quitte le studio. 20 secondes pour donner tout un tas de mots. Va-t'en, Jérém. C'est bon, il est sorti. Il met ses doigts dans les oreilles, on dirait Spock à chaque fois. Sans déconner, ça mérite une photo. Bon, Yacine, on est parti. 20 secondes, un maximum de mots qui démarrent par la lettre ce matin. Je vais faire la lettre L. L comme lundi. On n'est pas pressé d'y être. Yacine, 20 secondes, c'est parti. 3, 2, 1, go! Ok, lundi, loi, lumière, light, ah merde, Louvain, Liane, lié, Lyon, c'est chaud. C'est dur, hein, mais j'adore parce que quand on l'écoute à la radio, tout le monde se dit facile ce jeu. Tranquille, j'en avais très plein. Nickel ou quoi. Et non, en fait, j'ai réfléchi à plein de lettres en fait, parce que ça fait deux jours que j'y pense un peu et non, j'ai pas pensé au L. Yacine, ça fait deux jours qu'il prépare toutes les lettres de l'alphabet, là il fait hé, le L, j'ai pas fait le L, il y a un L dans l'alphabet. Allez, Jérém, reviens, il y a un L dans Blanche, c'est ça, ouais. Jérém, il a fait 24 mots. Bon, tais-toi. Il y a combien? Il y a une petite dizaine, quand même. 8, ouais, voilà, c'est pas mal. 8 mots, 20 secondes, et le mot gagnant pour toi, Jérém, j'espère, ce matin. La lettre, c'est la lettre L. L, comme... Je compte sur toi, Jérém. L, c'est parti. Lamentable. Lit. L'avoir. Lutin. Loto. Lutte. La... Lille. T'as pas fait ça? Quoi? T'as perdu. Nul, héros. Désolé. Nul. Désolé. Zéro pointé. Zéro pointé. Tu vois le zéro qui a pas de sur ton compte? Mais c'est là, chaud, là. Hein. C'était comme ton premier mot, lamentable. Comment elle m'a détruit? Ah là là, Yacine, on est désolé, mon pote. Tu reviens jouer avec nous quand tu veux. Hein. Il n'y a pas de souci, non, mais là, Jérém m'a déçu, du coup... Non, je suis désolé. Attends, il y avait quoi comme mot, en fait? Alors, il y avait lundi, loi, lumière, light, Louvain, Liane, Lian. Lundi, t'aurais pu trouver lundi. Lundi, j'avoue que... Ouais. Et en plus, j'ai fait exprès, je t'ai pas dit comme lundi pour que tu le dises. En me disant, tiens, si je le dis, il va pas oser le dire. Si je te dis elle comme lundi, je dis, il va pas dire lundi. Donc, j'ai pas dit, j'ai dit elle, tout simplement. Bah oui, mais oui. Mais tu l'as pas dit. Non, c'est parce que juste avant, il avait dit elle comme lundi, il a dit lundi, c'est pour ça. Enfin, ok. Oui, voilà. Oui, voilà. Mais t'étais pas là. Oui, on te souhaite une très belle journée, Yacine. Tu reviens quand tu veux, mon pote. Ouais, une bonne journée. À bientôt. Salut, Yacine. DJ Salem était avec nous ce matin, ça fait plaisir. C'est la classe, hein. Jennifer qui arrive, 6h42. 45 sur Energy, Louis Fancy qui arrive côté hit. Ah, ça sent les vacances, ça sent le soleil. Et bah justement, on vous envoie au soleil ce matin, la plage ou la montagne, vous choisissez, c'est 2000€ de vacances pour chez vous à la maison. Il suffit de vous inscrire puisque ça va être le dernier gagnant aujourd'hui à 9h. Ouais. Et ça sera peut-être vous. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite en tout cas, clairement, parce que c'est vraiment un super beau cadeau, quoi. Très beau cadeau. 2000€ de vacances pour partir avec la famille ou les amis, plage ou montagne, je vous l'ai dit, vous choisissez. Vacances au 78 pour vous inscrire. C'est un petit SMS qu'il faut envoyer maintenant. Vacances au 6018. C'est 1€ le message envoyé et reçu. Et j'ai 2000€ de vacances dans la poche. Pour 2€, c'est quand même pas cher. Et tu fais bien plus, la voix de comme ça. C'est vendredi. C'est vendredi. Bah ouais. Tu dis vendredi, dis chance aux garanties. Vendredi, tout est permis. Envoyez un SMS, quoi. J'en peux plus, je crois. Vacances au 78 pour vous inscrire et on prend le gagnant tout à l'heure. Bonne chance. C'est le 6-9. Bam, bam, Legends. Gagnez vos places pour le festival Legends avec David Guetta, avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux voir David Guetta grâce à Énergie, ma radio préférée. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le Festival Legends le 19 octobre au Lotto Mons Expo. En plus, vous rencontrez David Guetta lors d'une soirée VIP signée. Énergie. Énergie. It music only. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Tant mieux ! Ce pingouin fait trop de bruit !

Calypso. Un, dos, tres, Calypso. Un, deux, trois, Calypso. One, two, three, Calypso. Te daré. For the world. Duo Ariana Grande et Kenji, dans un instant on les a réunis pour One Last Time, ça va arriver sur Énergie côté hit. Je vous parle de Google Plus, ce Facebook cheap. Non mais vraiment, les mecs ils ont tenté de vouloir contrer Facebook, c'est bien, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ah, tu peux t'appeler Google, comme quoi, vous voyez, tout est possible dans la vie, même en s'appelant Google. Google Plus va disparaître, et oui, ça est fini. Il faut savoir que 90% des sessions d'utilisateurs, ça dure moins de 5 secondes. T'imagines ? C'est vrai ? Les gens, ils se connectent, ils font « Ouais, non, c'est vraiment pourri, je me déconnecte. » C'est abusé quand même. Et du coup, en mars 2018, il y a eu une faille massive. Hein. Aurélie en avait parlé dans les infos. Ouais. Et du coup, bah, ils vont fermer Google Plus. Là, ça va arriver dans les prochains mois. Ils se donnent 10 mois pour que les utilisateurs migrent vers d'autres plateformes. Oui, t'inquiète pas, ils n'ont pas besoin de migrer. Ils n'ont pas besoin de 10 mois, ils ont déjà migré. Ils sont déjà partis. Du coup, on a envie de parler de ça ce matin, j'ai envie de parler de ça avec vous. Les choses qu'on a envie de voir disparaître. Vous aimeriez que ça disparaisse et ça disparaisse au plus vite. Hein. Ah ouais. Enfin, au plus vite ou, ouais. Ou au plus lent, peu importe, mais que ça disparaisse. Tiffany, du standard, ça serait quoi toi ? La vaisselle dans l'évier de ma cuisine. Ah bah, ça, c'est ouais, tout le monde. Ça s'accumule, et au final, le week-end, faut faire la vaisselle toute la semaine. Ouais, mais acte-toi qui peut le faire, hein, ça, on y est pour rien. Hein, tu sais qu'il n'y a rien de pire que d'accumuler. Hein. Oh, mais à qui le dis-tu ? À toi, Tiffany. Jérém, ça serait quoi, toi ? Un truc qui devrait disparaître. Oh oui, je sais. Les caisses numéro 1 dans les drives au fast-food. C'est un truc au McDo, on te dit toujours passer directement en caisse 2. À quoi elle sert la caisse 1, elle pleure. Ça fait 20 ans qu'elle est déprimée, elle te regarde elle-même quand tu passes à côté d'elle, elle te fait la gueule. Elle sert plus à rien, ça devrait disparaître. Eh ben, moi je lui dis bonjour. Ouais, juste ça, pour c'est elle. Sympa. Bonjour, ouais. Frisco, frisco, tu sers à rien mais bonjour. Voilà. Aurélie de la rédac, ça serait quoi toi un truc que t'aimerais voir disparaître? Les imbéciles. Ça va être compliqué ça. Ouais, c'est ça. On peut rêver. On peut rêver. On peut toujours rêver. Frisco, le moins sur mon compte en banque. En banque. En banque. Ouais, c'est parce que je viens de Marseille. Traficant. Traficante. Casa de papel. Eh, si. Voilà. Pas mal. Pas mal. Écoute, ouais. Voilà. On en prend note, Frisco. Merci beaucoup. De rien avec toi et toi ? Mon ventre, mon gras, mes kilos, ma vie, quoi. Le mec, on dirait une chanson de Charles Aznavour, là. Ma vie, mes amours, mes emmerdes. Là. Mon gras, mon ventre, mes kilos. Mon ventre, mon gras, mes kilos, ma vie, quoi. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better. Cause you don't wanna lie. And on and on and on. She gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. En amour, en amour, en amour. Sans toi, plus rien ne brille. Plus aucun rêve ne me tient debout. Arrêtons de nous cacher. En amour, en amour, en amour, je pourrais changer de vie, mais tu resteras mon seul amour. Je sais qu'on ne peut jamais remonter le temps.

poursuivi cette nuit. Plusieurs personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. C'est le cas des agents Moji Bayat, Dejan Velkovic et Karim Medjati, mais aussi du coach du FC Bruges, Ivan Leko. Ils sont inculpés de blanchiment d'argent. L'arbitre Bart Vertenten a aussi été placé sous mandat d'arrêt. Il a été suspendu hier par l'Union Belge. Même sanction pour son confrère Sébastien Delferrière. Et enfin sur le terrain, donc toujours en football, vous serez certainement très très très nombreux à suivre les Diables Rouges. Ce soir, ils affrontent la Suisse à 20h45. Il s'agit d'un match de la 3e journée de la Ligue des Nations. Vous cherchez une habitation durable et abordable dans un quartier agréable ? Venez découvrir les quartiers Matexi de Wallonie et Bruxelles sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. Et 7h04, bonjour! Bonjour! C'est vendredi! Eh oui! On démarre ce vendredi tous ensemble, les copains. On finit la semaine comme il se doit. On démarre même le week-end. Je vous le dis, moi, c'est le week-end. Oui, il est 7h04, on s'en fout, c'est déjà le week-end. Mais oui! Rudimental Major Lazer qui va arriver dans un instant. On parle avec vous ce matin de ce que vous aimeriez voir disparaître. Disparitions. La belle-mère est arrivée, évidemment, mais ça, il fallait s'en douter, hein, j'ai envie de te dire. D'office, qu'il y en a qui veulent voir leur belle-mère disparaître. Vous nous dites ce matin ce que vous aimeriez voir disparaître. Vous appelez Tiffany, c'est gratuit, elle vous attend de pied ferme. 0800 23 456, ou alors le 3018 par SMS. Vous nous dites ce que vous aimeriez voir disparaître et on en parle avec vous dans un petit instant. Il y a les impôts, c'est Gérald qui nous envoyait ça. Oui, j'ai vu au 3018. Les impôts, c'est génial. D'ailleurs, on est en plein dedans. Voilà, ouais. On a dû. La déclaration, là. La déclaration. Pretty Mental, c'est maintenant. As I walk through the world, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up, live it up. Leave me alone. Cause you are. Avec nous sur Energy, 7h07, Musty à suivre. Du son belge pour vous, c'est ce qui va arriver ce matin. On parle de ce qu'on aimerait, aimerait voir disparaître. Français, ce moi, qu'on ça... nous aimeriez. Ouais, c'est compliqué. La langue française. Est-ce que vous aimeriez voir disparaître tout simplement dans la vie de tous les jours ou, voilà, un truc qui vous saoule et vous avez envie que ça disparaisse. Vous en parlez avec nous ce matin, 3018 par SMS, 0800 23 456 aussi pour nous appeler. Il y a Elise qui nous dit les copains de mon pote. De ton mec, je suppose. Ouais. Parce que les copains de mon pote, c'est aussi tes copains, du coup. Tu sais, ceux qui stagnent dans le salon alors qu'il est 1h du matin, toi, tu vas aller dormir et ils sont toujours là. Ah, j'avais une ex comme ça avec ses copines, elle vivait à la maison. C'est vrai. Ah ouais, c'était relou. Très très très relou quoi. C'était un couple à trois en fait. Bah, si encore ses copines étaient jolies, tu vois, et que bon, mais bah, c'était pas le cas donc. Si j'avais pu en profiter à la limite. Why not? Mais bon. Why not que connaître. Il y a Louis qui nous envoie les embouteillages. Bah oui, tu m'étonnes ça, bien sûr. Mais ah je crois que tout le monde a envie de les voir disparaître ce matin. Courage d'ailleurs si vous êtes dans les emboutes. Maëva qui nous dit les relous qui m'ajoutent sur Instagram. Excellent. 0800-234-56 pour nous appeler. Il y a Jean-Luc qui est là ce matin. Bonjour Jean-Luc. Coucou, salut tout le monde. Salut Jean-Luc. Oh, ça c'est la voix. Ça va. Ça c'est la voix de fin de journée, ça, Jean-Luc. Ouais, je suis devant le boulot, je viens de finir à l'instant là. Ah bah, ah ben voilà. Oh, big up, j'ai posé la voiture, j'ai fini ma nuit et puis voilà, je vous écoutais. Le week-end commence plutôt pour certains. Ah bah voilà, moi j'ai envie de dire, attends, et gros. Je travaille demain. Ah, ben voilà. Vas-y, casse encore l'ambiance. Ouais. Super Jean-Luc, merci. Ouais. Je travaille pas aujourd'hui, je travaille demain. Nickel, non, moi ça me va, tranquille. Jean-Luc, nickel. Qu'est-ce que t'aimerais voir disparaître? Bah justement le samedi peut-être. Je suis comme toi Marco. Je suis comme toi. J'aimerais bien voir disparaître mon petit bidon. Depuis que je suis revenu en Belgique, je me suis mis à la jupe. D'ailleurs, merci la jupe. Attends, je peux citer les marques Orval, tout ça, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et non, j'ai pris un peu de bidon. Avant, je ne buvais pas de bière. J'ai découvert ça en Belgique, sur le tard. Et j'ai pris du bide, je voudrais bien qu'il dégage. Et j'y arrive pas. J'ai aucune volonté, en fait. C'est très dur. Ben oui, c'est ça, c'est compliqué. Hein. Tu vois cette c'est bière. C'est bon, la jupe, merde. C'est. Ben oui. C'est bon, la jupe, merde. Ben quoi? C'est vrai, mais c'est le problème. Tu ouvres le frigo, tu vois cette bière. Tu te regardes, elle te regarde, elle te regarde avec son taureau comme ça là en train de te. Elle te fait un petit clin d'œil, elle te dit allez, crac. C'est ça. Et puis, pfff, et tu bois. Confiance. Ah non, clairement, ben courage, je t'avoue que je n'ai pas de solution, Jean-Luc, à part la salle, mais la salle ne veut pas de moi. Ouais, mais moi non plus, je suis rentré, elle a rigolé, je suis sorti direct. On te souhaite une excellente journée, Jean-Luc, profite bien du coup. Bon bisous à vous, bon week-end. Bon week-end aussi, à bientôt. Ah, j'adore notre Jean-Luc, il est fantastique. Et attention, hein, si on boit, on conduit pas, les gars. Oui, bien sûr. Boire ou conduire, il faut choisir. Il y a Mathilde qui nous envoie ça par SMS au 3018. Est-ce que vous aimeriez voir disparaître? Elle nous dit les poils. Ah ben pour Frisco, moi c'est fait. C'est disparu là hier. C'est vrai qu'avec l'épilation d'hier, magnifique. Allez revoir la vidéo. Hein, là, j'ai vu trois personnes qui m'ont demandé je peux voir ton mollet. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour en retrouver sur Facebook. Allez voir la vidéo de Frisco qui se fait épiler, c'est magique. Amélie qui nous dit le chien de ma voisine, je vais le tuer. Apparemment, il est pas cool. Il est pas cool. Il y a Wendy qui nous dit les ragnagnas. Voilà, elle aimerait voir ça disparaître. Et voilà. Il faut attendre encore quelques années, mais ça va arriver, tu sais. Il y a Arthur, oh, c'est trop mignon, qui nous dit mes fils dentaires, pauvre chou. Oh. Ouais. La galère, quoi. Ouais. Courage en tout cas. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez voir disparaître? Voilà, on en parle avec vous. 3018 0800 23456. On écoute Musty et on revient juste après. On a le top of the top of the world. Will you stay with me if I'm in motion? I try to plant a tree, but no reaction. I'm the 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in the grave, the game is over. The television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. It's maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try. He's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century toy. 7h13 sur Énergie. Lizzo dans un instant avec Boys. Baby, I don't need you. I don't need you. I just wanna freak you. I wanna Et dans quelques minutes, c'est Frisco qui va nous donner le top of the world. Le top of the top of the world, c'est quoi? Eh ben, c'est un top of the world. Ouais, ça va arriver dans un instant sur Energy. Top of the world, en fait, c'est simple. Hein. C'est les meilleurs titres qui cartonnent ailleurs dans le monde. Ouais. Et on va essayer de deviner de quel pays ça vient. C'est très sympa, ce jeu. La dernière fois qu'on l'avait fait, on avait bien rigolé. Ouais, ouais. Et franchement, il y a des hits terribles. Hein. Ouais, il y a des pépites ailleurs, hein. Vraiment. Tu sais que Jaja... ça cartonne en Hollande et en Allemagne. Ouais, alors ouais. qu'ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Hein. Comprennent rien. Il y a plein de gens qui comprennent pas l'anglais. Pourtant, ouais, ils chantent des trucs en anglais, tu vois. Ouais, voilà, Musty, rien compris quoi. À part qu'il veut faire la 20th Century Fox, mais. Vous êtes bête. On vous offre 2000 euros de vacances aussi ce matin. Si vous voulez partir à la plage ou à la montagne, ça va être pour vous avant 9h. Il suffit de vous inscrire maintenant. Un petit SMS, c'est rapide. Eh ouais, si vous voulez partir en vacances, vous avez peut-être pas eu cette chance cet été. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances. Je le sens qu'il faut compresser là, il faut lâcher prise. Ouais. Ah, vacances. Ouais, je le sens. Vacances. T'as pété Vacances au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Vacances au 6018. On vous souhaite bonne chance et on vous appelle tout à l'heure à 9h. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. T'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. Give me the hit music. It's music. Only. Peugeot présente le choix des experts. Si un expert en technologie devait équiper votre utilitaire, il choisirait l'aide au stationnement, le détecteur d'angle mort et toutes les options pour rendre votre travail plus confortable. Pour ça, il irait chez Peugeot. Tout comme un expert fiscal, mais pour d'autres raisons. Tous les experts vous recommandent Peugeot. Recevez jusqu'à 9 300 € d'avantage sur un Peugeot expert et profitez de l'offre 50-50 avec 50% de remise sur 100% des options. En plus, il vous attend déjà dans le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Bonne nouvelle cette semaine chez Deleuze. Il y a plus de 100 produits en 1 plus 1 gratuit. C'est le moment de réveiller le céréal stocker qui est en vous. Alors, un conseil, les céréales stockers, faites de la place dans vos armoires. Deleuze, du côté de la vraie vie. Cette semaine, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour un ravier de tomates cerises d'Aterino acheté, un gratuit. Je veux acheter des chaussures. Avant, je croyais pas du tout à l'hypnose. Et alors, j'ai pris des cours et j'ai essayé sur mon mari. Chérie. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux t'acheter des chaussures chez Manier Luxus. Tu veux faire quoi? T'acheter des chaussures chez Manier Luxus. Oh, ça marche trop bien! Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux, aussi sur manierluxus.be. À l'époque, quand Julie avait fait installer ses fenêtres de toit Velux, elle écoutait. Et aujourd'hui, elle écoute encore. Mais elle s'est débarrassée de son tourne-disque et de ses anciennes fenêtres de toit, car elle vient de choisir des fenêtres Velux dernière génération. Elles ont été placées en quelques heures, ce qui a permis à Julie d'arriver à temps pour... Et vous, vos fenêtres de toit, elles datent de quand? Remplacez-les par des fenêtres Velux dernière génération et bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 500 €. Rendez-vous vite sur velux.be. Offre soumise à condition. Parce qu'on peut aller loin pour ses affaires. Marie, Serge, il faut boucler ce contrat. Et rester proche de sa famille. Hugo, Élise, il faut boucler votre ceinture. Skoda a créé l'Octavia Combi, le break le plus vendu en Belgique. En ce moment, en plus de son design, son espace, sa technologie et son confort, profitez d'un GPS gratuit. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. En octobre, le loto a 40 ans. Ça mérite bien une petite fête surprise. Mais comme personne ne peut tenir sa langue quand on organise une fête surprise, eh bien on vous la dévoile maintenant. Ce samedi, jouez au loto. Il y a 3 millions d'euros à gagner. Et pour notre 40e anniversaire, 40 chèques voyage supplémentaires de 5000 euros. Alors, jouez avec nous ce mois-ci. Check-in sur loto-surprise.be. Loto. Parce que c'est possible. Fans de beauté et de make-up, ouvrez grand vos yeux. Tous les mascaras sont à moins 20% chez Planète Parfum jusqu'au 28 octobre. Planète Parfum, fans de beauté. Aussi sur planeteparfum.com. Dans un instant, c'est Frisco qui nous donne le top of the top of the world. Il y a Lizzo qui va arriver côté hit. Avant ça, un petit point sur les routes, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 40 à Woluwe-Saint-Etienne en direction de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée. Vous perdez 20 minutes à partir d'Everberg. Et puis, il y a des ralentissements sur le 411. Comptez 23 minutes en plus entre Stockholm et Sterpenich. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a Game Boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you, I don't need. I just wanna freak you, I want it. I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Of the world. Ce mec chante tout le temps. À chaque fois qu'il y a un extrait, il chante. Mais c'est parce que j'aime bien la programmation d'énergie. Mais tu saoules tout le monde. Quoi? Les gens veulent entendre le morceau. Ils s'en foutent de t'entendre toi. Mais non, mais pendant qu'il. Ça, c'est juste le teasing. Pendant qu'il chantera vraiment, je me tairai. Oh, je te jure. Top of the world. On va faire un petit tour dans le monde entier et on va essayer de découvrir des hits qui cartonnent là-bas, de savoir de où ils viennent justement. Ouais. De quel pays. Voilà. Voilà, écoute, c'est très simple. J'étais sur Shazam, j'ai chopé les pays et j'étais voir ce qui était en top Shazam. Ok. Du coup, voilà, allez voir. Enfin, allez voir premier extrait, s'il te plaît, Marco. mon Marco, je vais pas le chanter moi, je ne sais pas. Allez, voilà. Ouais, Marco. Ouais. Allemagne. Non, mais ça, c'est très proche. Jérém. Ouais. Autriche. Ouais. J'irai même une bonne réponse. Oh, ah, bah oui, bah facile, hein, une fois que j'ai dit la moitié du truc, je fais la moitié du boulot. Sans déconner. Ça, c'est EAV et le titre c'est Köchen den Wind. Donc en français, contre le vent. Ah, d'accord. Ah, voilà. Ouais. On avait sous le vent, ils ont contre le vent, ouais, c'est ça. Chacun son truc. Mais le clip, ils essaient de monter dans la barque, ils y arrivent pas. Mais ça cartonne en Autriche, mec. C'est vrai ? Ça cartonne. On peut remettre 2 secondes. Ah, c'est pourri, c'est pourri. Nouvel extrait. Ouais. Marco. Ouais. Arménien. Non. Jerem. Oh. Turc. Non. Aurélie. Ouais. Maroc. Non. Tunisie. Non. Et tu t'appelles Tunisie. Tiffany. C'est beau. C'est super beau. Jerem. Ouais. C'est de l'arabe. Ouais. Arabie Saoudite. Non. Ah, on est bien là. Aurélie. Ouais. Égypte. Ouais. Ouais. Un point pour vous. J'aurais vu la chanson un peu plus de profil. Ouais, c'est super beau. Amir Diab, Konfe Bali. Et ça, c'est carton aussi en Égypte. C'est genre dans les premiers. Très beau. Ouais, à fond. C'est super beau. Hein. Ah, ce petit accordéon là. C'est du violon. Ah, je sais. Là, c'est super beau. Ah, belle découverte. Prochain extrait, monsieur. Allons-y. Ouais. Brésil. Non, non. Bah, Portugal. Jerem. Mais non, c'est l'espagnol. C'est Amérique du Sud. Ouais, c'est Amérique du Sud. Je dirais colombien. Ouais. Colombie. Ah, ouais, mec. Ah, j'ai reconnu l'accent. Ouais, il est ouf. Ouais, c'est colombien. Eric Yemi. On dirait du Luis Fonsi. Ouais, c'est vrai. Ah, du Luis fondu, quoi. C'est du Luis foncé. Quatrième extrait. Jerem. Ouais. Ça, c'est turc. Non. Aurélie. Ouais. Italie. Non, c'est en Asie. Marco. Ouais. Bangladesh. Non. Jerem. Aurélie, ouais. Corée du Sud. Non. C'est proche. Corée du Nord. Non, c'est encore proche. Aurélie. Ouais. Taïwan. Non. Jerem. Ouais. Chine. Non, mais purée. Wow. Quand vous dites Asie. Marco. Ouais. Australie. Non. Marco. Ouais. Japon. Ouais. Je vais pas tricher. Il me l'a juste dit dans l'oreille. C'est tout. C'est pas de la triche. Moi, je lui ai dit dans l'oreille. Est-ce que t'as vu mes lèvres bouger? Oui, moi, oui. Mais je suis pas ventriloque, ok? Allez, ouais, c'est au Japon. Japon, est pas mal. Il y a un peu du Cardi B comme ça. On dirait Cardi B à mort. Allez, cinquième extrait. Marco. Portugal. J'aime. Portugal de l'Est, si tu veux. C'est dans les pays de l'Est. Donne les indices parce que sinon on est là en 8 heures encore. Ouais. Pologne. Non. Jerem. Ouais. Turc. Non. Dans les pays de l'Est. Ah, Marco. Ouais. Ukraine. Ouais. Merci, bonsoir. Voici Dua Lipa sur Energy. Restez là dans un instant. On revient avec le 6-9 quiz. Et aujourd'hui, il va y avoir du Radio World. Ah oui, on a fait top of the world. Mais je peux vous dire qu'il va y avoir du Radio World. On appelle en... je sais pas, on va voir. Si, t'as tellement dit espagnol qu'on appelle en Espagne. Espagne? Ouais. Espagne, allez. C'est moi qui décide. Ah, c'est tout belle. On appelle en Espagne tout à l'heure. Restez branchés. dernier vendredi du mois, on fait une émission en public avec vous les fifous. Vous allez pouvoir venir nous voir. Et là, ça tombera, c'est le 29 octobre si je dis pas de bêtises. Tu dis une bêtise. C'est le 28. Le 26. Bah, j'y étais presque. Si vous voulez tout simplement venir en public aussi avec nous, eh ben, il faut vous inscrire. Energie.be. La prochaine, donc le 26 octobre, ça sera une spéciale Halloween. Mais Halloween à notre façon. Ouais. Parce que les trucs relous où on mange des bonbons et on doit se faire peur. Il y en a marre. Donc non, mais on fera le Halloween à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va se déguiser vraiment comme on a toujours rêvé d'être habillé. Ouais, c'est ça. En fait, on va faire un premier carnaval avant le vrai carnaval. Ouais, mais c'est Halloween à l'américaine, ouais, ça, quoi, ouais. Comme ils font là-bas. Il y aura des surprises. Ah bah évidemment, il y aura du cadeau. Et une artiste aussi, ou un artiste qui viendra nous voir, surprise. Allez vous inscrire energie.be pour venir nous voir dans le public. Vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous voir en plus. Jonas Blue, c'est la suite. Mesure du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent, on sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus loin. S'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, on survole. On prend les virages, vous collez au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent. On les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent. On les décolle. On cherche un passage. De nous qui dénotent, on les décolle. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Jonas Blue à suivre côté hit sur Énergie. Avance à 7h31. Voici la météo. Le temps est généralement sec aujourd'hui. On aura des nuages, des éclaircies. Côté température entre 20 degrés en Ardennes et 25 degrés partout ailleurs. C'est le retour du 6-9 quiz, juste après l'actu de ce vendredi 12 octobre. Et c'est Aurélie Adam pour nous informer. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La police mène des contrôles surprises ce matin. Il s'agit en fait d'une grève du zèle lancée par les syndicats. Elle va durer jusqu'à 8h30 sur les grands axes. Les zones bruxelloises ainsi que celles d'Andenne, d'Arlon et d'Asselt sont très engagées dans les actions. Les syndicats veulent protester contre les modifications de leur statut, mais aussi contre la violence exercée contre les policiers. Seule la CGSP ne participe pas au mouvement. En parlant de grève, eh bien, il faut s'attendre à une grève dans les services publics wallons la semaine prochaine. Le Front commun syndical a déposé un préavis pour le 19 octobre. Les syndicats dénoncent notamment la lenteur de la mise en œuvre des accords négociés. Des actions sont attendues dans les services publics, mais aussi au Forem ou encore à la VIC. Le foot belge est plongé dans une grosse affaire de fraude, il faut le dire. Les interrogatoires se sont poursuivis cette nuit. Plusieurs personnes sont sous mandat d'arrêt. Il y a notamment les agents Moji Bayat, Dejan Veljković et Karim Medjati, mais aussi le coach du FC Bruges, Ivan Leko. Ils sont inculpés de blanchiment d'argent. L'arbitre Bart Vertenten a aussi été placé sous mandat d'arrêt. En plus, il a été suspendu par l'Union belge hier. Même chose pour son confrère Sébastien Delferrière. Enfin, encore en football, mais c'est un peu plus positif quand même. Vous serez nombreux devant votre télé ce soir. Les Diables Rouges jouent leur troisième journée de la Ligue des Nations. C'est contre la Suisse. Le match débutera à 20h45. L'info énergie. 7h30, c'est le rendez-vous avec l'info énergie. On parle de quoi ce matin, Aurélie ? Est-ce que vous aimez les sushis ? Ah oui, moi j'aime beaucoup. Ah oui, oui. Ah, au foie gras, moi. J'adore les sushis. Eh bien, si vous allez à Milan, en Italie, il y a un resto qui vous en propose gratuitement. C'est wow, sushis. Bien. Allez, enfin. C'est pas tout à fait gratuit. Oui, j'allais dire, il y a un gratuit dans ce bâtiment. Il y a un truc, il y a un truc derrière. Pour avoir les sushis à l'œil, il faut quelque chose. Ok. Ah. Il faut un truc, déjà des baguettes. Un tatouage. Il faut être tatoué du magasin sur le truc, non ? Non. C'est à la mode, ça, en ce moment. Non, en fait, il faut un compte Instagram. Mmh. Ouais. Okay. Minimum 100 000 fans. Et évidemment, poster sur le réseau social une photo du lieu ou des plats ou des sushis qu'on mange avec un tag et le hashtag du nom du restaurant. Mais ouais, quel est l'intérêt? Comment ils gagnent l'argent? Mais ça ramène des gens. Ça ramène des gens si t'as 100 000 fans, mec. Oui, mais non, mais non, mais donc, si j'en ai pas, moi, 100 000 fans, est-ce que je peux aller manger là-bas? Bah, oui, mais tu payes. Ah, ok, voilà, bah oui, donc. Ah, oui, ok. Ouais, j'avais pas compris, j'ai cru que le restaurant était 100% gratuit et que c'était. Non, ok. Ouais. Encore 82 000 pour nous, les fifous. Allez, si vous avez entre 1 000 et 5 000 followers, donc c'est vraiment beaucoup moins que 100 000 fans, là, vous aurez un plat gratuit. Après avoir acheté un plat payant, évidemment, et une boisson. Eh ben, allons-y tous à Milan, les fifous. On est à 8 000, on peut se faire 8 plats gratuits. Non, marche pas comme mais ça. C'est original, franchement, c'est original. C'est original, c'est sympa. Fallait y penser. Ils pensent à tout, tu sais. Les Italiens, ils sont taqués quand même. Évidemment. Évidemment. Et c'est vrai que c'est pas bête, ça fait un bon coup de pub. Ouais. C'est comme Starbucks qui fait exprès de faire toujours une faute d'orthographe sur ton prénom. Ouais. C'est fait exprès aussi pour faire la pub et que tu prennes en photo et que tu dises. Ils sont gourés. Ils sont gourés, ils sont bêtes. Alors que c'est fait exprès, c'est moi le con. Et c'est ça, en fait. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils font. Il y a de l'imbécile. Alors qu'on a fait exprès Frisco avec un cul, évidemment. Jonas Boussard, il est là. Tiens, les jours Fnac, c'est quoi? Ben, ce sont des journées avec des réductions allant jusqu'à 30% dans tous les rayons Fnac. 30%? 30%. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Le 6-9 sur Énergie, sinon rien. Bah rien alors. Oh bah non, quand même pas. C'est quand même bien, non? 7h35, on est là, bonjour. Bonjour. C'est le vendredi, c'est le début du week-end. On le démarre tous ensemble avec vous dans le 6-9. Dans un instant, c'est le 6-9 quiz. On va parler mariage aussi ce matin, parce que ce soir, nous allons à un mariage. Mariage du parrain de Jérém. On est tous invités. On fera un live Facebook, on vous en reparle juste après. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Baby, now dès maintenant, on prend le petit déj avec vous sur Énergie. Kaigo, Imagine Dragons qui arrive. Et bonne matinée avec nous, bon vendredi, on le démarre tous ensemble ce vendredi avec Énergie. Et là, à 7h38, on va jouer ensemble, voici le 6-9 Quiz. Le 6-9 Quiz, c'est tous les vendredis aux alentours de 7h35, on joue avec l'émission, on se réécoute des bons moments de la semaine, c'est l'occasion de se faire un petit best-of comme ça entre nous, et l'occasion de vous offrir du cadeau aussi via un quiz, c'est le 6-9 Quiz, et aujourd'hui on a Valérie qui vient jouer. Oui, c'est Valérie qui travaille comme institutrice primaire à Bruxelles, elle aime regarder des émissions sur les enquêtes policières du genre dossier criminel ou encore les enquêtes impossibles, et puis elle fait du tennis depuis plusieurs années, et dès qu'elle en a l'occasion, elle aime taper la balle. Bonjour Valérie. Bonjour. Salut l'équipe du 6-9. Salut. Salut Valérie. Bienvenue ce matin avec nous. On va jouer ensemble au quiz du 6-9. Nous allons te poser plein de questions. As-tu écouté l'émission cette semaine, Valérie? J'ai essayé, vraiment. J'ai essayé d'écouter tous les matins, mais voilà, je vais essayer de répondre au mieux. Eh ben écoute, on va faire en sorte que tout se passe bien pour toi. On va essayer de t'aider. Et t'offrir du cadeau ce matin, Valérie. Super, merci. Mercredi, c'était mercredi. On a fait un jeu. Écoute d'abord ce premier extrait. Chacune des grosses artères qui conduisent le sang vers la tête est une aorte, une cariatide, une carotide ou une synapse. Une carotide. Une carotide ou une synapse. Non, mais une synapse ou une carotide. Alors, à ton avis, pourquoi Frisco et moi, on a fort aidé le candidat à avoir la bonne réponse? Est-ce que c'est A, parce que c'est un nouveau jeu qui s'appelle le quiz de la dignité et que s'il avait la bonne réponse, eh ben on lâchait un dossier sur Jérém, ou B, tout simplement pour qu'il ait la bonne réponse? La réponse A, je dirais. La réponse A, eh bien on vérifie. Eh bien on vérifie pas, si. Il y a une réponse. On vérifie. Une carotide. Carotide. Bon, parce que ça, je vais dire une carotide. Enfin, les gars. Oh, allez, c'est une bonne réponse. Oui, bravo. Peut-être qu'il a eu des cours d'anatomie, hein, t'en sais rien. Hein. Eh bah, ben, Michel, c'est gagné ce matin pour toi. Bravo. Et bah, du coup, on va faire tomber du dossier sur Jérém. Eh ben oui, c'était la bonne réponse. C'était bien Jérém et on a fait tomber quel dossier? Oh là là, tu vas pas revenir là-dessus, hein, Marco. Si. Non, Marco, tu moi, ne reviens pas ça, là-dessus. Je dis rien, elle est sur l'Instagram de l'émission. Oui, les fifous du 6-9 sur Énergie. Tu l'as vu, Valérie? Valérie, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Et alors, comment tu le trouves? Elle est magnifique. Allez voir ça, les fifous du 6-9 sur Énergie. C'est sur Instagram, sur Facebook. On l'a mis partout où on pouvait le mettre. Vous pouvez pas le louper. Pourquoi tu reviens avec ça, Marco? Ah, Jérém, il est magnifique avec sa moustache. Je la revois. Vraiment, mais oui, il est magique. Quoi, hein, l'impression qu'il a joué dans un documentaire allemand. Voici la deuxième question, Valérie. Mardi matin, on a fait les blagues du 6-9. Et à ton avis, qui dans l'équipe était en pleine forme niveau blague? Est-ce que c'était Tiffany ou est-ce que c'était moi, Marco? Je dirais Tiffany. Tiffany, on vérifie. Est-ce que vous connaissez le parfum par hasard? Non. Bah, tu mets ton doigt dans ton pet et puis s'il sent bon, bah, c'est du pur hasard. Ouais, vous connaissez le parfum essentiel? Non, c'est encore un truc. Vas-y, non, je sais pas. Bah, tu mets ton doigt dans ton pet et s'il sent rien, bah, c'est essentiel. C'est n'importe quoi. Désolé. Ça mérite pas 5 euros? Non. Le pire, c'est que ça nous fait rire. Ouais, c'est ça. Et le parfum Côte d'Or? Oh non, excellent. Eh bien, malheureusement, Valérie, c'était moi, c'était pas Tiffany. C'est pas grave, il y avait une chance sur deux, je joue. Et en plus, les blagues du 6-9, c'est souvent à 6h05, donc oui, il faut être vrai. Debout tôt. C'est très tôt, mais c'est pas grave. Oui, j'ai hésité, mais il y avait une chance sur deux, donc oui, c'était... C'est mignon. Allez, Valérie, on y va pour la troisième question. Et une bonne réponse. Et alors là, on est au top, Valérie, c'est du cadeau pour toi ce matin. C'était hier en plus. Hier, c'était la journée internationale des filles. Du coup, on a fait un quiz spécial filles. Et le perdant, entre Frisco, Jérém et moi, devait se faire épiler à la cire une des jambes. Alors d'après toi, qui a perdu ce quiz et a dû se faire épiler? La vidéo a été postée. Et elle est mythique, il faut aller et voir sur mythique, Facebook. Il faut aller la voir aussi. Hein. Ouais, je sais pas si un tu dois aller la voir. Je sais pas si tu dois aller la voir, honnêtement. Il est fort poilu. Alors, un petit indice entre Frisco, Jérém et moi, c'est le plus poilu et le plus... Voilà. Enfin, je suis bien poilu aussi. Je dirais Frisco. Frisco, on vérifie. Montre un peu. Non, c'est un Yeti. Allez évidemment voir la vidéo les fifous du 6-9 sur Énergie sur Facebook. Moment magique de l'émission. Je te jure, même si ça me fait mal à moi, c'est à mourir de rire. Tu sais que je l'ai regardé avec des gens hier, je pleurais de rire. Alors moi j'ai une question, Frisco. Est-ce que tu te touches le mollet maintenant? En mode, est-ce quand même vachement doux. C'est quoi, je l'ai fait hier, ça m'a fait un peu kiffer, je t'avoue. Ah, tu verras, dans quelques jours ça va piquer. Eh bien non, c'est super doux mec. Ça fait donc deux bonnes réponses pour toi ce matin, Valérie. Et bah du coup c'est gagné. Bravo Valérie, cadeau pour toi la clé. Merci ma chérie. On a 4 places de ciné, on a la dernière compil énergie où on a l'enceinte Bluetooth Waterproof. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Les 4 places de ciné, c'est parfait. 4 places de ciné, et ben on t'envoie ça à la maison, Valérie. Tu vas pouvoir aller voir le film de ton choix. Il y a du beau film en plus en ce moment à l'affiche au cinéma. Oui, tout à fait. Non, ça tombe bien. Merci beaucoup à toute l'équipe. Oh, ça sent la personne qui a déjà l'idée de ce qu'elle va aller voir. J'hésite. Ah, bah dis-nous, on peut peut-être t'aider. Avec le jeu, mais il sort plus tard. The Game. Ouais, c'est ça. Et le film avec Lady Gaga. Star Wars, j'ai envie de voir avec Bradley Cooper. Ouais, j'ai envie de voir aussi celui-là. Ouais, je te conseillerais celui-là, moi. Mais bon, après. Ouais, parce que tu connais pas l'autre. Je te conseillerais celui-là, puis je te conseillerais quand même The Game quand il sortira. <C'est ça. rire> On te souhaite une excellente journée, Valérie. À très vite. Merci à vous aussi. Bisous. À bientôt, bisous. Voici Keigo, Imagine Dragons sur NRJ, 7h45. Bienvenue. Ah, bah voilà. Tu peux y aller. À l'instant sur NRJ, Imagine Dragons qui sera peut-être le groupe duo international de l'année, qui sait. Eh ouais bébé. Votez pour vos stars préférées nommées au Energy Music Awards 2018. Ils sont renommés dans la catégorie groupe duo international de l'année. Imagine Dragons, attention, il y a du lourd aussi à côté d'eux. Nicky Jam, J Balvin, Maroon 5, Muse. Ça, je suis étonné qu'ils reviennent. Bah, c'est cool, Muse, c'était. Calvin Harris, Dua Lipa et David Guetta avec Sia. C'est chaud quand même. Alors, moi, c'est je vois soit Calvin. Perso, je vois Calvin Harris ou Maroon 5. Mais ils y sont assis. Calvin Harris, Dua Lipa ou Maroon 5, c'est ça? Ouais. Ouais. Okay. Ouais, je vois bien Calvin Harris, Dua Lipa quand même. Ça a été le hit de l'été là, ce qu'on entend derrière. Ouais, c'était top. Ah oui, je pense bien. Bah, c'est l'énergie, les gens vont voter. Hein. Eh ouais, votez maintenant, défendez votre artiste préféré. C'est sur energy.be que ça se passe. La cérémonie aura lieu le 10 novembre en direct de Cannes sur TF1. Et ça sera les 20 ans d'ailleurs des Energy Music Awards. Déjà? Ouais, 20 ans, 20e édition. Ah, c'est génial. Salut les loups. Salut les loups, à vos Anthony Cavagna. Salut les loups, j'ai dit que j'avais 20 ans, c'est génial. 5 secondes of summer qui arrive. Et si vous avez pour projet de vous marier dans les jours à venir ou dans les semaines ou mois à venir, oh attention, attention, il y a un petit top à connaître avant de se marier. Je vous le donne dans quelques instants. Et du coup, on va parler du mariage aussi qu'on a ce soir. Puisque ce soir, on est en costard cravate. Vous allez pouvoir nous voir en live Facebook pour le mariage du parrain de Jérém. Oui, un mariage très spécial. Oui, on vous explique tout ça dans un instant. Oh oui, bah ça, c'est même plus que spécial. Hors du commun. Déjà, un mariage un vendredi soir à 19h, c'est déjà pas normal. Tu vois. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energy.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy. Hit music only. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Tant mieux ! Ce pingouin fait trop de bruit ! Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. L'expérience, tout le monde veut travailler avec Tempo Team. Découvre tous nos jobs près de chez toi sur tempoteam.be. Tempo Team ! Téléchargez maintenant l'appli Banque Contact et payez tous vos achats en ligne super vite avec votre smartphone. Banque Contact, et c'est réglé. Eh bien, ça ne se présente pas bien sur nos routes. Vous perdez plus d'une demi-heure sur la E40 entre Liège et Bruxelles. On signale un bouchon de 7 km sur la Nationale 5 à hauteur... Red Bull te donne des ailes. Allô papa, tu viens toujours manger ce soir? Il y aura de la compote materne avec de beaux morceaux. Pas cette fois. Ah, de la mousseline materne alors, bien onctueuse. Non plus. Ah, en fait j'ai Aquagym et... Mais j'ai la nouvelle granité materne, onctueuse et avec des mini morceaux de pommes. J'arrive! Nouveau, granité materne, la nouvelle sensation pomme. Merci les fruits. Merci materne. Aldi et ce que certains en pensent. Il y a encore des gens qui pensent les produits de lessive Aldi. Oula, est-ce que mon linge sera vraiment propre? C'est dingue. Ces gens ne savent visiblement pas encore que les produits de lessive Aldi sont le top du marché. Lors de tests indépendants, nos lessives liquides ont fait au moins aussi bien que les célèbres grandes marques, tant pour le blanc que pour le noir et les couleurs. Vous ne le croyez pas? Découvrez les résultats du test sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, faites le test vous-même. Aldi, aussi bien que les grandes marques. Hé, Bleu ? Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'Impact W. Dans un instant, je vous donne le top des choses à savoir avant de se marier, très important. 5 Seconds of Summer qui va arriver côté hit et un point sur les routes ce matin, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 40 à hauteur de Woluwe et Saint-Etienne en direction de Bruxelles. La bande gauche est bloquée, vous perdez une heure à partir de Berthem. Un objet encombrant à signaler maintenant sur la Nationale 4 à hauteur de Bastogne en direction de Marchand-Famène. Une partie de la chaussée est encombrée, surtout la bande de droite. Soyez prudents. Il y a des ralentissements en direction de la capitale. Vous perdez 15 minutes entre Waterloo et Oulart, c'est sur le ring extérieur au sud du pays. Sinon, sur le 411, ajoutez 37 minutes entre Stockholm et Stärpenich. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. h 55 sur Énergie, Rihanna qui arrive dans un instant. Avant ça, on va parler de mariage ce matin, puisque ce soir nous allons assister en direct à la cérémonie du parrain de Jérém qui va se marier. C'est chouette. Pour expliquer rapidement, c'est à Las Vegas, hein, c'est ça? Ouais. Ah, c'est à Las Vegas, il m'a envoyé un SMS, déjà l'invitation est espèce. Il me dit je t'invite à mon mariage, je suis à Las Vegas. Je dis écoute, je serai pas là. Il me dit t'inquiète pas, c'est sur en streaming sur Facebook en live dans la chapelle où Johnny Hallyday s'est marié. Oh, excellent. Et avec un Elvis et tout. Ah, ouais, il paraît qu'il y aura un Elvis, je crois, ou un truc du genre. C'est excellent. Et du coup, pour l'occasion, j'ai dit j'invite l'équipe à manger chez moi ce soir et on regarde le mariage en live sur Facebook ce soir à 19h. Et du coup, on fera un live Facebook aussi tout à l'heure. Donc, branchez-vous, les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. On fera ça en direct. On aura le costume. Enfin, voilà, on va être tout chic, tout beau. Ça va être chouette. Ouais. Ça va être sympa. Si je vous dis mariage dans l'équipe, Tiffany. Ah, mais moi, j'aimerais bien, mais juste pour avoir la belle robe blanche, quoi. Ok, super. Ouais. Frisco. Ouais, moi c'est galère, déjà pour commencer, parce que j'ai galère toujours un mariage. Et puis c'est bouffé à volonté. Bouffé à volonté, ah ouais, clairement. Buffet et bouffé, oui. On mange que comme des dingues. Jérém. Si tu me dis mariage, mon été. Ouais, mon été, ma vie, ma passion. Sinon, c'est un emprunt à la banque. Parce que. Quand même cher. Je m'en fous. Divorce, pas direct. Rihanna, on écoute ça maintenant sur Énergie. On vient juste après. I want you to love me. Like I'm a hot guy. Want you to know. bientôt sur Énergie. George Ezra qui va arriver pour la suite des hits à 8h05. C'est le duel Énergie, le débrief de PE aussi qui va arriver à 8h35. Restez bien branchés. Et je vous file là dans un petit instant les petites choses à savoir avant de se marier quand même. Puisque ce soir il y a mariage du parrain de Jerem. On sera là-bas pour la cérémonie, mais il y a des choses à savoir avant de se marier quand même. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Mama's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream, I find your love. And that makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. The deal, my dear. Proximus Business présente Anouk, coach sportif. Alors Anouk, racontez-nous, pourquoi vous faites ce boulot? Parce qu'on me demandait toujours des conseils et j'avais envie d'aider les gens à être bien dans leur corps. Et vous, vous n'avez jamais besoin de conseils? Ah si, si, pour mon site web, j'avoue que je rame un peu. Je sais pas trop comment faire. C'est pourquoi Proximus Business vous propose BizOnline, votre site internet créé, géré et référencé avec l'aide d'un expert Proximus. À chacun son boulot. Plus d'infos sur proximus.be/bizonline. 8h02 sur Énergie. Non, on n'est pas en retard. Non. Énergie. Non. Bon, d'accord. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Dans un instant, c'est le duel énergie à 8h05. Enfin, là, il sera pas vraiment 5, on va pas se mentir. George Ezra qui arrive côté hit avant ça, voici la météo. Un temps généralement sec, quelques nuages, de belles éclaircies et des températures entre 20 et 25 degrés. On s'informe, l'actu de ce vendredi 12 octobre, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La police mène une grève du zèle en ce moment. Les contrôles sont renforcés jusqu'à 8h30 sur les grands axes. Les zones bruxelloises ainsi que celles d'Andenne, d'Arlon et d'Asselt sont très engagées. Les syndicats dénoncent notamment les modifications de leur statut, mais aussi la violence exercée contre les policiers. On reparle du scandale qui secoue le football belge. En ce moment, les interrogatoires se sont poursuivis cette nuit. Plusieurs personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. C'est le cas des agents Mojib Hayat, Dejan Veljkovic et Karim Medjati, mais aussi du coach du FC Bruges, Ivan Leko. Tous sont inculpés de blanchiment d'argent. L'arbitre Bart Vertenten est aussi sous mandat d'arrêt. Il a été suspendu par l'Union belge en plus hier. Même sanction pour son confrère Sébastien Delferrière. Et enfin, on parle encore de foot, mais avec cette fois les Diables Rouges. Ils jouent ce soir face à la Suisse. Ça sera à 20h45 pour la troisième journée de la Ligue des Champions des Nations. Vous cherchez une habitation durable et abordable dans un quartier agréable? Venez découvrir les quartiers Matexi de Wallonie et Bruxelles sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. Quand ton réveil se met à sonner, et c'est le 6-9 qui vient te réveiller. Allez, allez, 85. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur PE. Bonjour. Je fais la bise, hein. Voilà, j'y dis bonjour. Il arrive dans un instant, 8h35, pour le débrief de PE. Je voudrais vous parler vite fait quand même, parce qu'on parlait de mariage. Je vous ai promis que je vous donnerais ça, les trucs à savoir avant de se marier. Très, très, très, très important. Déjà être sûr que c'est la bonne, mais ça on le sait jamais. Sachez-le, les couples qui dépensent plus d'argent pour la cérémonie divorcent plus souvent. C'est vrai. Ouais, donc ça a rien de dépenser un pognon monstre, ça va te coûter encore plus cher en divorce. Donc ce que je disais. C'est deux fois mal au cœur. C'est apparemment dans la troisième année de mariage qu'en couple on est le plus heureux. Voilà, ah bon? Sachez-le, oui. Troisième année? Troisième année. Il faut du temps. Ouais. L'échange des alliances serait une tradition qui remonte à l'Égypte ancienne. Ah, excellent. Merci, Cléopâtre. Merci, Cléopâtre. Oui, grâce à tout un camon et tout ça. Pour un couple, ne jamais faire l'amour a souvent des effets très négatifs. Oui, bah là, t'apprends rien, mon pote. À part me parler de ma vie, t'apprends ce que j'ai à dire sans déconner. Oh, 8h05 sur Énergie. Ah, mais c'est vrai. Je sais plus comment ça se passe, moi. Y'a pas quelqu'un qui veut me faire un tuto. 8h05, dans un instant, c'est le duel énergie après George Ezra sur énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Merci de nous écouter chaque matin 8h08. Big up à Simon qui est là ce matin, un nouveau fifou. Hey, big up Simon. Salut Simon, venez nous rejoindre sur les fifous du 6-9 sur Énergie, sur Facebook, Instagram, on est là, on vous attend les copains. Aya Nakamura avec ses copines, on écoute ça dans un instant sur Énergie. Avant ça, 8h09, c'est le moment comme tous les jours de se retrouver ensemble pour communier ensemble et écouter ensemble de la bonne musique. C'est beau ce que tu dis. Et surtout pour gagner du pognon mon pote, voici le duel Énergie. Le duel énergie. 500 euros à gagner chaque jour dans le duel énergie. Vous pouvez cumuler vos gains et c'est ce qu'a fait Carmelo. Cinquième participation, 900 euros de cagnotte. Carmelo, bonjour. Bonjour l'équipe, salut Fifou. Salut. Carmelo revient ce matin pour tenter de continuer à être le maître du duel. 900 euros dans sa cagnotte. On te souhaite bonne chance, Carmelo, parce que ce matin, il y a du lourd. Oui, c'est Sophie qui vient jouer avec nous. Elle travaille dans un cabinet ministériel. Elle a 3 enfants, Clarisse, Lucie et Alexandre. Elle adore la cuisine et la pâtisserie qu'elle fait généralement avec ses enfants. Et puis, elle aime regarder des émissions sur YouTube du genre complément d'enquête. Ah, bien, voilà. J'aime bien ça. Je peux te dire, Carmelo, que tu peux trembler puisque, à part te faire un petit conférencier et te mettre quelques dossiers dans la tronche, elle va pouvoir te dégommer aujourd'hui. Elle est incroyable, incroyable. Une source d'inspiration, c'est Tiffany. Incroyable. Oui, dingue. Sophie, bonjour. Bonjour. Je me demandais ce qu'elle allait bien pouvoir dire en me présentant, mais voilà. Mais tu vas lui envoyer tes dossiers dans la figure à Carmelo. C'est ça. Je pense que tous les gens qui viennent jouer se disent comment elle va me dépeindre, elle. C'était vraiment un peu le truc. Bon, voilà. Un peu stressant. Tout va bien, Sophie. Sois la bienvenue ce matin dans le 6-9. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tu vas tenter d'affronter Carmelo ce matin et tenter de le battre, évidemment, et de devenir notre maître du duel. Il y a 5 extraits ce matin, 100 euros par extrait. Nous allons jouer avec la télévision ce matin. Oh. Avec des génériques de télévision. Oh. Eh oui, ça va être sympa. On rappelle cette règle très importante. Votre buzzer, c'est votre prénom, évidemment. Et du coup, votre prénom, eh ben, c'est votre buzzer. Duel énergie, bonne chance à toi, Sophie. Bonne chance, Carmelo. Ah. Voici le premier extrait. Carmelo. Ouh, il est chaud. Carmelo, on t'écoute. Motus. J'ai limite envie de donner un point bonus. Eh ben oui, ça fait 100 euros. Motus. C'est surtout le début que j'adore, moi. Allez, ouais. À la fin, attention. Oh, oh non, c'est nouveau. Oh, je préfère le... Ouais. Ça fait 100 euros pour Carmelo ce matin. T'inquiète pas, Sophie, c'est faisable. C'est faisable, c'est jouable. Concentration maximum pour vous. Celui-là, il est hyper facile. Attention, c'est parti. Ah oui, bah si je baisse au moment de mettre le truc, on va pas y arriver. Wouhou, Sophie. Oh, je suis Fort Boyard. Sophie nous dit Fort Boyard. Eh oui. Nouveau générique aussi. Ouais. Ah bah il remasterise tous les génériques. Ouais. Eh ben ça fait 100 euros pour Carmelo et ça fait 100 euros aussi pour toi, Sophie, si tu deviens notre maître du duel ce matin. Tout est possible. Tout est possible. On y croit, Sophie. On croise les doigts. Allez. Voici le troisième extrait. Carmelo. Sophie. C'était trop tard. Malheureusement, Sophie, Carmelo a été plus rapide. Carmelo, on t'écoute. Secret Story. Secret Story. Ici la voix. Oui, je suis, j'ai pas mué. Eh ben, c'est une bonne réponse, mais oui. Ils ont tous un secret. Il n'y a pas eu, tiens, cette année. Non, c'est vrai. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Ça fait plus d'audience, du coup. Voilà. C'est tellement mieux. Ah, et je nous verrai bien là-dedans. Je sais pas quel serait notre secret, mais je nous verrai bien. Tiffany, son secret. Je pue des pieds, mais je dois le cacher. C'est ça. Et nous deux, Marco, c'est on est au régime. Sophie, Carmelo, tout est possible encore, ma Sophie, on garde espoir. 2 points pour Carmelo, 200 euros ce matin pour Carmelo, 100 pour toi, Sophie, donc 1 point. Tout va se jouer maintenant. Sophie, sur le film, et c'est toi. The Voice. Et d'ailleurs, ça redémarre demain, The Voice Kids. Aujourd'hui. Sur TF1. Ce soir, avec Jennifer Patrick Fury, Soprano Baba. Et Amel Bent. Soprano et Amel Bent. The Voice, nous dit Sophie, et c'est une bonne réponse. Ouh, je stresse. Ouais, c'est serré, hein. C'est un 2-2. C'est magique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu un duel aussi serré. Ah là, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, The Voice, avec Soprano qui fera The Voice tout court aussi, voilà, c'est une info exclusive. Je vais pas le dire, mais je dis quand même. Enfin, c'est pas sûr en fait, hein, je m'avance. Mais... Tu t'avances, tu te chauffes. Et non, mais c'est quand même à du 99%. Sophie, Carmelo, on est dans un moment exceptionnel, je vous le dis. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, qu'on ait une égalité comme ça. Là, c'est très tendu, pourquoi ? Il reste un extrait. En plus, avoir le titre, il est pas... Ça va être chaud, je vous le dis, ça va être chaud. Le premier

pas de soucis. Moi, Data Doggy Bagman, j'emmène tous les datas au mois suivant. Mais comment fait-il pour être aussi fort? Ah, ça c'est mon secret. Ah, oh, il est fort et mystérieux. Avec les abonnements de Baze, j'emmène vos restes de data au mois suivant. En plus, en ce moment, chez Baze, je fais fort jusqu'à 24 gigas en plus pour tout nouvel abonnement. Conditions sur baze.be. Baze. Aya Nakamura à suivre avec Copine dans un instant. Radio World, les copains, on va appeler en Espagne. Ça va être magique ce moment. Aya Nakamura, ça arrive juste après un point sur les routes. Un accident s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Woluwe Saint-Etienne. Une bande de circulation est bloquée. Vous perdez 19 minutes à partir de La Hulpe. Autre accident sur le 40 à hauteur de Chorat en direction de Bruxelles. La bande d'arrêt d'urgence est bloquée. Il y a toujours cet objet encombrant sur la Nationale 4 à hauteur de Bastogne en direction de Namur. La bande de droite est bloquée. Et puis, si vous circulez sur le 411, soyez patient. Vous perdez 31 minutes entre Stockheim et Sterpenich. Le 6-9 et les fifous, c'est tous les matins sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan B, t'as ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Vendredi, c'est le week-end qui démarre avec Jason Derulo dans un instant. Et ce matin, on part en Espagne, Espagne. Nous allons jouer à Radio World. J'adore cette séquence. Bravo. Yeah. Number one. Los Tiburones Neon, DJ Sunny J. Directo aquí por el Go-Go Time. Hey, Go-Go Time. C'est une radio espagnole, quoi. Excellent. Eh, vale. C'est l'énergie d'Espagne. Exactement. Je parle pas du tout espagnol. C'est bien, moi non plus. On va apprendre à parler espagnol ce matin. Les bases, hein. Je vous le dis tout de suite, ouais. Les bases. On va pas s'enflammer, on va pas aller trop loin. Les bases. Ouais, on va appeler à plein hôtel, dire bonjour, une chambre pour deux personnes, merci, au revoir. Voilà. Ok. Bonjour, à votre avis. Hola. Buenos dias. Hola, ça marche aussi. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Donc je voudrais réserver une chambre pour deux personnes. Ça donne. Me gustaría reservar una habitación para dos personas. Una habitación. Una habitación para dos personas. On habite à Fiordland. De la Casa de Papel. La Casa de Papel. De mardi à vendredi prochain. De martes a viernes. De mardi à viernes. C'est la mierdasse. Je veux pas vous mentir, il est pour moi celui-là. Mais oui. Avec un cheveu sur la langue, il est pour moi. Ah ouais, clairement. Avec le cheveu sur la langue, vous avez bien m'installé en Espagne. Elle va te comprendre, mais de ouf, mec. Oh, l'accent espagnol parfait. Merci beaucoup. Gracias. Kenji, oui, c'est d'espagnol. De loin, mais c'est un peu con. Il y avait ça en espagnol. Allez, on appelle ce matin. On va tenter d'appeler donc un hôtel en Espagne. Et mais c'est vraiment, je le fais. Je suis chaud, je le fais. Allez, j'appelle en espagnol la fille. Ah, obrigado, si. Obrigado, c'est portugais, ouais. C'est pas grave. Ouais, mais lui, il aime bien mélanger les langues. C'est pas grave. Allez, c'est parti, on appelle. Oula, c'est rapide. Hôtel Vinci Marítimo, buenas tardes. Atiende Mireille, ¿en qué puedo ayudarle? Ah, si. Buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi blusa? ¿Con? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Te llámanos desde Bélgica. Ajá. Me gustaría reservar una habitación para dos personas, por favor. ¿Para qué día? De martes a viernes. De esta semana, bueno, de la próxima. ¿A próxima? Del 16. ¿A próximos, sí? ¿De qué día a qué día? ¿De martes a? ¿Qué día? ¿Y qué días? De ¿qué jour? ¿Ses tu 19 o ses tu 20? ¿A tu hablas francés? Un petit. Oh, ¿sí, tú bien? ¿Tú bien? Pour le mercredi, no, le mardi. Pour para el 16. ¿Hasta? Hasta la mañana, sí. Para mañana. Vale, un momento. Le paso con reservas que le hablan en francés. Un momentito. ¡Pero no! ¡Je veux pas du français! De Vinci Hotel, en la tienda Maripaz, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente. Dígame, caballero. ¿Camarero? No, caballero. Caballero, Jean-Jas Caballero. De acuerdo, todo. Perfecto. Muy bien, todo. Pues nada, pedirle si es tan amable que pudiera valorar el servicio prestado. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Adiós, chao. ¡Oh, bueno! Qui place Caballero Jean-Jacques. Il le fait naturellement en mode je parle vraiment bien espagnol. Et Kirkazias, le gars. C'est qui lui déjà? C'est un joueur de foot, non? C'est le gardien, c'est un gardien espagnol, ouais. Ah, joué mais au Real, oui, Madrid. Exactement, c'était le gardien, ouais. Espagnol. Ouais, c'est Jason Derulo. Girl, I'm down for your life. Énergie, bonne journée avec nous. Le débrief de PE, ça va arriver, c'est tous les vendredis, 8h35, c'est dans quelques minutes. Et Dinoro qui arrive côté hit, à tout de suite. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ya me he encontrado y sé que debo continuar. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? No escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. 8h31 sur Énergie, c'est le débrief de PE qui va arriver dans un instant. On a Dinoro côté hit et là voici un point sur la météo. Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura des nuages, mais aussi de belles éclaircies. Température entre 20 degrés en Ardennes et 25 degrés partout ailleurs. Un point sur l'actu de ce vendredi 12 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La police a mené une grève du zèle ce matin. Elle vient de prendre fin. Cette grève, elle a pris la forme de contrôle surprise sur les grands axes. Les syndicats dénoncent les modifications de leur statut, mais aussi la violence exercée contre les policiers. Ils affirment ne pas avoir voulu pénaliser les citoyens, mais les sensibiliser au souci d'offrir un service public de qualité. On pourrait avoir un jour de grève dans les services publics wallons. Le Front commun syndical a déposé un préavis pour le 19 octobre. C'est donc vendredi prochain. Les syndicats dénoncent notamment la lenteur de la mise en œuvre des accords négociés. Des actions sont attendues dans les services publics, mais aussi au Forum ou encore à l'AVIC. Dans ce fameux scandale du football belge, les interrogatoires se sont poursuivis cette nuit. Plusieurs personnes sont sous mandat d'arrêt. Il y a les agents Mojib Hayat, Dejan Veljković et Karim Medjati, mais également le coach du FC Bruges, Ivan Leko. Tous sont inculpés de blanchiment d'argent. De son côté, l'arbitre Bart Vertenten est aussi sous mandat d'arrêt. En plus, il a été suspendu hier par l'Union belge. Il est aussi suspendu, c'est Sébastien Delferrière qui est aussi arbitre. Et enfin, toujours en football, mais sur le terrain, cette fois, vous serez nombreux à suivre les Diables Rouges. Ce soir, nos joueurs affrontent la Suisse à 20h45. Il s'agit d'un match de la troisième journée de la Ligue des Nations. Tiens, les jours Fnac, c'est quoi? Ben, ce sont des journées avec des réductions allant jusqu'à 30% dans tous les rayons Fnac. 30%? 30%. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. La Belgique, c'est l'atomium, le Manneken Pis, le chocolat, la frite, la fricadelle. Et le 6-9 sur Énergie. Ah, tu vois, ça, Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses-là, quoi. Il est 8h34, bonjour! Bonjour! Eh ouais, C'est vendredi, c'est le week-end qui démarre avec nous. Les fifous du matin sont là. Il y a Tiffany qui est au standard. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Et bonjour, il y a Aurélie de la rédac qui a tué la mouche. On a une mouche qui nous saoule, mais elle est quand même pas mal, Aurélie de la rédac. Faut savoir, à chaque fois qu'il y a une mouche dans le studio, c'est elle qui s'en occupe. Mais c'est une championne, hein. C'est une championne de la. Tu devrais jouer au tennis ou au baseball. Oh ouais, pas mal, elle reste même collée à ta feuille. Ouais. Ouais, allez, file là. Il y a Jérôme qui est là aussi ce matin. Coucou l'équipe, salut Marco. Bonjour, il y a Frisco. Bonjour tout le monde. Bonjour, il y a PE qui va arriver dans un instant. Bonjour PE. Hola. Le mec, il est en espagnol, hein. Il a toujours pas su. Il a pas quitté Radio World. C'est dans un instant le débrief de PE. Tiens, d'ailleurs, on aura des places à offrir pour ton spectacle, cher ami. Oh yeah. Yeah. Optimiste, si vous voulez voir PE sur scène, on va offrir ça dans un petit instant sur Énergie. Le débrief de PE qui arrive juste après Dinoro. Et puis l'équipe est là. Instagram, venez nous voir, les fifous du 6-9 sur Énergie, Instagram et Facebook. Ouais. Il y a des vidéos compromettantes à voir. Notamment un Frisco qui se fait épiler. Vous l'avez mis aussi, surtout ? Tout est là. Oh là, là. Servez-vous, c'est. On a l'inclusive. C'est public. Les fifous du 6-9 sur Énergie, voici Dinoro. Sur Énergie, bon vendredi. Dean Lewis à suivre côté. Oh, j'adore. Il arrive dans un instant. PE, si vous voulez aller le voir sur scène avec son spectacle Optimiste, on a des places à vous filer. Vous allez voir, vraiment, ça vaut le détour, croyez-moi. Vous envoyez Énergie les trois lettres maintenant par SMS au 6018 et vous pourrez aller voir PE sur scène. Vous pourrez voir son côté beau gosse de près. Recevoir des postillons de PE, des fois tout ça quoi. De loin il est pas top, hein, mais de près il est bon. Énergie par SMS au 6018 pour aller voir PE en spectacle. On vous offre ça dans un instant. En attendant, comme tous les vendredis 8h35, il est là, s'il vous plaît, du bruit. PE, PE, PE, PE, PE, PE, PE, PE. Salut les fifous, ça va? Yes! Alors, à partir d'aujourd'hui, en application d'une directive européenne datant d'octobre 2014, comme quoi on n'est jamais trop rapide, les noms des carburants seront les mêmes dans toute l'Europe. Oubliez la 95, la 98, le diesel et faites place à E5, E10, E85, B7, B10, oui, on dirait une grille de bataille navale. D'ailleurs, les règles sont les mêmes. Deux joueurs, d'un côté l'État et de l'autre le consommateur, sauf que c'est toujours le même scénario, c'est l'État qui touche et c'est toi qui coule. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le 6-9. Yeah, le beau gosse de près. Mais moins beau gosse de loin. Mais je préfère dans ce sens-là. Alors n'oubliez pas que dimanche, il faut aller voter. Quoique non, c'est impossible d'oublier. Hein. Les murs de la ville se sont transformés en Tinder géant. y a des moches. Alors, petite pensée pour toi, cher M, qui n'a malheureusement pas trouvé d'excuse valable et qui sera donc assesseur. Oui, merci, j'y ai pensé toute la scène et je me suis dit, toi, je te cache pas que j'aimerais pas être à ta place. Parce que être assesseur un dimanche matin, c'est comme accompagner les enfants d'un autre à un concert de Laurie. Enfin, non, je déconne, elle ne fait plus de concert, donc ça vous pourrait encore y échapper. Par contre, toi, Jérém, courage. Merci. Alors, s'il fallait donner un titre à cette campagne électorale, ce serait « Oui, 1% de la forêt amazonienne a été transformée en tracts électoraux, mais maintenant que vous savez pour qui voter, on vous promet de prendre des mesures contre le réchauffement de la planète. » Moi, franchement, j'en pouvais tellement plus de recevoir des tracts que j'ai fini par remplacer ma boîte aux lettres par une poubelle jaune. Alors, on va pas se mentir, cette campagne électorale était pas très intéressante, mais je vous ai quand même concocté le top 3 de ce qui m'a bien fait rire. En troisième position, la reprise du titre basique de Orelsan par le parti Défi qui donne plus envie de devenir sourd que d'aller voter. En deuxième position, André Flao qui slame pour s'adresser aux jeunes, bien qu'en voyant la vidéo, j'avais l'impression de regarder une pub pour assurance d'essai. Et en première position, le top du top, une candidate du Parti Populaire qui a voulu recadrer une internaute en lui écrivant « Si je serais toi, j'en dirais pas plus. Champagne, c'est du caviar, ça, vraiment, c'est magnifique. J'ai envie de lui répondre avec ces mots « Si je serais toi, avant de me présenter aux élections, je me présenterai en première primaire. Hashtag je suis conjugaison. » Tiens, en parlant du Parti Populaire, hier, en allant sur YouTube pour écouter du Bob Marley, j'ai d'abord dû me farcir une pub de leur parti. Je ne sais pas ce que l'algorithme avait fumé, mais c'est bien la dernière chose que j'ai envie de voir avant une vidéo de Bob Marley. Sérieux, mettre une pub du Parti Populaire avant une chanson de Bob Marley. Hello! C'est comme mettre une pub pour un stage de basket avant Joséphine Ange Gardien. Ou encore passer un spot contre les violences faites aux femmes avant un clip de Bertrand Cantat. Ça fait mal. Alors, lundi, rapport alarmiste du groupe des experts du climat, le monde devra apporter des transformations rapides et sans précédent. Ils ont raison, hein, mais perso, je pense qu'écologiquement, un des plus grands échecs de l'homme, ça reste la toilette. On fait nos besoins dans de l'eau potable. Une étude rapporte que tous les jours, 27 000 arbres sont utilisés pour fabriquer du PQ. Tous les jours, on abat ce qui permet de renouveler notre air pour pouvoir se torcher le derrière. Je pense que le jour du jugement dernier, Dieu dira juste « Eh les gars !» Oui, pour moi, si Dieu existe, il a un accent wallon. Ouais. « Eh les gars, sans oxygène, ça sert à rien d'avoir le cul propre. Hein. » Et il aura pas tort, en même temps, c'est Dieu, donc c'est logique. Mardi, j'ai eu un fou rire de dingue, je n'invente rien, je vous livre l'info telle qu'elle, et elle aurait clairement pu être dans mon top 3. Christian est candidat défi aux élections provinciales à Liège, et également acteur porno. Il a dit, je cite, « Ce que j'aimerais, c'est avoir un jour mes DVD dans les sex shops. » Mais oui, Cricri, ça c'est un beau programme. Enfin, un politicien qui comprend les attentes du peuple. Un politicien qui donne de sa personne. Moi, je l'encourage. Je lui ai même déjà trouvé un titre pour son prochain film, « Ouf-t-il les boubous les liégeois de Cricri ?» Oui, effectivement, c'est un jeu de mots pourri sponsorisé par les auteurs du film Ala 2 et l'ensemble de la rédaction de chez Caramba. Mercredi, énorme bombe dans le monde du football belge. Un vaste dossier de corruption est mis au grand jour. C'est vraiment énorme, tellement énorme qu'on se croirait presque au PS. Elle met du temps à venir, mais elle est drôle. Non, vraiment. Si. Elle est drôle. Je vais faire un groupe sur Facebook. Elle est drôle. Et jeudi, au pays du surréalisme, tout est surprenant sans vraiment l'être. Donc direction Gand, où les étudiants de la ville se sont vus offrir des frites s'ils n'urinaient pas sur la voie publique. Bon, j'ai pas envie de snober les flamands de Gand, mais pour ne pas uriner sur la voie publique, certes, les frites c'est bien, mais les toilettes, c'est mieux. Voilà, il fallait y penser, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à la semaine prochaine. Faites un maximum de oui pour PE. Yeah, avec Optimiste le 13 octobre à Braine-l'Alleud. Bah, c'est demain, les copains. Braine-l'Alleud, yes, au centre culturel. Si vous voulez aller voir PE sur scène, le 19 octobre, ça sera au Vourire, au centre culturel des Chiroux. On y sera, nous. Ouais, on vient te voir. On vient te voir. Ouais, yeah, moi aussi, je serai là. Le 3 novembre à Jean-Blou, au centre culturel. Le 8 novembre aussi à Lille, au Spotlight. Je vois qu'il y a d'autres dates qui sont ajoutées aussi. Hein. Ça rigole plus ici. Hein. Le 25 janvier au Cursal de Douin. C'est où ça, Douin?

Merci beaucoup. Le 6-9 ce matin t'invite pour jouer avec nous au Game Song. Le Game Song, c'est simple. On va te faire écouter des extraits musicaux. Sauf que dedans, il manque un mot, tu verras. Il y a un mot qui a été remplacé par des bruitages d'animaux, des chèvres, des ânes, de tout ce qu'on a sous la main. Oui, c'est ça. On a une ferme à côté de la radio. Et à toi de nous dire quel est le mot qu'on cherche, tout simplement. Il y a trois extraits. Tu nous fais un 2 sur 3 et du cadeau pour toi ce matin, Virginie. D'accord. Voici. Concentration. Le premier extrait, je suis déjà mort de rire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qui va se passer. Il est magique aujourd'hui, je vous le dis. Premier extrait. Virginie, de quoi ? Je suis au boulot là en fait. Hein. Alors Virginie, quel est le mot qu'on cherche à ton ami ? Cassé. Cassé, on vérifie. Puisque c'est déjà cassé. Mais oui, c'est une bonne réponse. Ouais. Allez, coupe-moi ça, c'est bon. Ça fait un point pour toi, Virginie. Bravo. Bravo. Deuxième extrait. Deuxième extrait, c'est parti. Il est magique aussi, celui-là. Il n'y a plus ni futur ni. Pauvre boulot. Ses collègues doivent la regarder bizarrement. Alors, à ton avis, Virginie, quel est le mot manquant ? Passé. Passé, on vérifie. Il n'y a plus ni futur ni passé. Bravo. Il n'y a plus ni futur ni passé. Danser. Eh ben, ça nous fait déjà 2 sur 3, les copains. Ben ouais, c'est gagné. Ça va vite, hein, sans déconner, t'as été très rapide ce matin, Virginie. Bravo, c'est gagné. On t'offre du cadeau, on va te laisser choisir dans un petit instant. Avant ça quand même, je voudrais qu'on se fasse le dernier. Il est pour vous, tiens, ce matin, les fifous. Ouais. Vous allez pouvoir jouer avec nous aussi au Game Song. Vous êtes en voiture là, préparez-vous, envoyez le SMS, vous envoyez jeu plus la bonne réponse au 78. Voici l'extrait, quel est le mot qui manque ? Ramenez la coupe à la maison. Quel est le mot qui manque dans cet extrait? Envoyez-nous ça maintenant. Je plus la bonne réponse par SMS au 78. Quel est le mot qui manquait dans cet extrait? On vous le dit dans un petit instant. Le temps d'écouter Alvaro Soler. Et on vous le donne, il est magique quand même. Et il va bien en plus avec cette équipe, je trouve. Ramenez la coupe à la maison. Envoyez-nous ça, je plus la bonne réponse par SMS au 78. On prendra. Si quelqu'un a la bonne réponse, on offre un cadeau. C'est vendredi. Allez, ça fait plaisir. Allez, on bisous, dit Virginie. Fou. Ouais, c'est Alvaro Soler. Bonne journée, Virginie. Merci, à bientôt. Merci, à vous aussi. Bye. Ça me impressionne. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. On va vous laisser dans un instant avec Tanguy qui va arriver parce que oui, c'est le début du week-end. Qui démarre sur Énergie à fond, 8h59. Comment ça va, mon Tanguy ? Ça va super bien. En pleine forme aujourd'hui. Ouais, je suis content que c'est le week-end quand même. Hein. Il vient, oh, tu m'étonnes. Il vient vous jouer la playlist personnalisée. Qui a préparé sa playlist ce matin ? J'ai oublié le nom. Et, c'est vrai ? Ouais, non, je te jure. Pardon. Attends, j'ai regardé sur mon GSM, mais je me suis complètement. Attends. Il est magique, Tanguy. On voit c'est l'Alzheimer, quoi. Hein. On voit que c'est le week-end. Hein. Plus, c'est l'INSEE. L'INSEE, c'est ta playlist, ma chérie, qui arrive dans un tout petit instant sur Énergie. Avant ça, avant de se quitter, on va quand même offrir les 2000 euros de vacances. Ouais, quand même. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. 2000 euros de vacances pour la montagne ou pour la plage. Vous choisissez la destination. Quoi qu'il arrive, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui va repartir avec ça ce matin. On appelle en direct, c'est parti. Dernier séjour à offrir maintenant. Tiffany dans sa grande panique. Allez, vas-y. Composition du numéro. Ah, dommage, ça répond pas. Allez, c'est pour nous les 2000 euros. Au revoir. Ça marche pas comme ça, monsieur. Oh. Ah, ouais, là, non. Ah, si, ouf. Allô, allô. Allô, allô. Oui. Oui. Allô, allô. Allô, allô. On est vraiment des gamins. C'est comment ton prénom ? C'est vraiment ça. C'est comment ton prénom ? Eric. Eric, eh ben Eric, tu vas partir en vacances. 2000 euros de vacances, c'est gagné. Génial, génial, hein, c'est nickel ça. Ouais, nickel. Tu sais déjà où tu as envie d'aller, au soleil, à la montagne, Eric? Bah, au soleil, bien sûr. Au soleil mio. Pour aller voir les filles. Du coup, j'estime que tu n'es pas en couple. Si. Elle va être contente. C'est pas parce qu'on fait régime qu'on va pas regarder ce qu'il y a au menu, hein. Ça, c'est bah voilà, exactement. C'est l'ambiance à la maison, dis-moi. Ah, on m'a tout. Là, je suis au travail. Ouais, non, ça va. À la maison, c'est l'ambiance. Moi, mes parents m'ont toujours dit. Un restaurant, tu peux regarder la carte, c'est pas pour autant que tu vas manger dedans. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, exactement, exactement. Donc on peut regarder, c'est pas pour autant qu'on va manger dedans. Et puis si ça tombe, sa femme regarde aussi, hein, les autres mecs. Évidemment. Sur la plage. Il y a pas que les mecs. Bravo, Jérém. Ouais. Elle va gêner peut-être. Elle va gêner. On te souhaite une excellente journée, Eric, et de bonnes vacances avec Énergie. À très vite. Allez, merci beaucoup. Après. Bisous, ciao, Eric. Salut. On va se quitter quand même avec ça. Ramenez la coupe à la maison. Allez, allez, 20 ans après, c'est le moment. Allez, alors, on cherchait quoi comme mot à votre avis ? Ben, les bleus. Les bleus. Les bleus. Eh les ouais. Bleus. Ramenez la coupe à la maison. Ça suffit, ça fait trop mal, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Je peux dire un truc, ça fait mal au cœur, mais franchement, elle est entraînante, elle m'entraîne la musique. Ça, c'est vrai. Allez les diables, allez les diables. Ramenez la coupe à la maison. Allez les diables, allez. 20 ans après, c'est le moment. Allez les diables. Deuxième, allez. On est troisième, mec. Bon, c'est le week-end qui démarre. Quoi de prévu ce week-end, Tiffany? Je préfère rester toute seule. Mais déjà, ce soir, je vais voir le match Belgique-Suisse au stade Roi-Baudouin. Oui, non, ouais, fait en sortie. Et ouais, on va voir le match et puis bah après, frites, hein. Bouffe, hein. J'ai un défi pour toi. Ouais. Tu vas être dans la tribune, tu dois faire une chanson 6-9 avec les gens. Genre, allez le 6-9, allez le 6-9, allez, ouais, avec les gens autour de toi. Je te promets rien. Et tu dois mettre ça sur en story sur Instagram. Mec, bah, nickel, si elle fait ça vraiment ce soir, ce qui va lui arriver, c'est. Je préfère rester toute seule. souhaite un excellent week-end, les fifous. On est de retour lundi, évidemment, puisque c'est comme ça tous les jours entre 6h et 9h qu'on se marre ici, le 6-9. Bon week-end, Tiffany. Merci, merci. Bon week-end à tout le monde. Et bon match, hein, du coup. Il y en a qui ont le plaisir et qui nous invitent pas, qui pensent qu'à eux. Super, bravo. Super. Bravo. Je vous ai proposé, mais vous n'avez pas répondu. Ah bon, bah, tu n'as rien proposé. Moi, je me souviens de rien. Vous en avez parlé à un moment donné. Non, pas moi, du c'est tout. C'est pour ça non, que j'ai absolument, pris absolument place. Pas. Et on okay. Mais qui êtes-vous? Bon week-end, mon Jérém. Bon week-end, et j'ai envie de dire à tout à l'heure. Eh oui, n'oubliez pas tout à l'heure en live Facebook, les fifous du 6-9 sur Énergie. Venez nous ajouter, on va être en tenue de mariage. Ouais. Ça va être magnifique. Vers 19h. Ouais. T'as un costume, toi, Frisco? Évidemment, mais on est une vraie équipe, contrairement à certaines. Est-ce que, est-ce que tu rentres quel encore dedans? Bah écoute, je vais tester ça tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un bouton qui va péter, mais est-ce grave? Est-ce l'important? Ouais. J'en sais rien. Faut juste dire qu'on sera en costume, pas parce que c'est vendredi soir, mais parce qu'il y a un mariage. Eh oui, évidemment. Ouais. C'est le mariage du parrain, c'est ça hein, ouais, ton parrain. Parrain de Jérém, et du coup il fait ça en live Facebook puisqu'il fait ça à Las Vegas. et du coup on sera nous aussi en live Facebook. Gros ouais. Mariage ce soir, soyez là. Bon week-end tout le monde. Bon et week-end. Le 6-9 revient lundi dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Sikora, plus de 60 produits, un plus un gratuit, et une foule d'autres offres complètement dingues. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. And you're listening to Énergie. Cette semaine était interminable. On est vendredi. Wouh ! Le week-end qui commence, soyez les bienvenus les amis. Et comme d'hab, on commence avec la playlist partagée que vous pouvez faire sur energie.be. C'est ce qu'a fait Lindsay. Alors, elle n'a pas fait ça spécialement pour elle. Elle a fait ça pour son amie Sandra. Elle a marqué pour Sandra. Je sais que 3 chansons sur 5 tu vas apprécier. Et je sais que tu vas écouter Energie au boulot. Elle a choisi Lost Frequencies ou encore Maxime Seclin. Hey Melody, every night you play me something sweet. And when I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat. And I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile. So let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me. So let me hear your love sing. Énergie les partage. Créez maintenant votre playlist sur energie.be. On prendra des chemins différents, sans savoir où, savoir comment.